Remember. My name is Bond. Pathfinder. Satellite device with a magic touch. A wonderful touch. It's Pathfinder that's gonna find the gravitational waves, 'cause it's so brave. And now, ladies and gentlemen, let's give the word to Sylvie Léon and Pierre Pinotrui, and they're gonna tell us the marvelous story of Pathfinder. Merci. Eh bien, vous le savez tous, maintenant, effectivement, on va parler de Pathfinder. Hein, c'est ça, ouais, d'accord. Bon, vous le savez tous, effectivement, pour la première fois, ont été détectés, voici quelques jours, des ondes gravitationnelles. C'est 100 ans exactement après qu'Albert Einstein les a prédites. Et c'est LIGO, un détecteur américain, qui a réussi cela, avec des Européens qui ont participé au dépouillement des données. Et vous l'avez vu, bien sûr, c'est un événement majeur dans l'histoire des sciences, et peut-être même dans l'histoire de l'humanité, une date à marquer d'une pierre blanche. Avec cette première détection s'ouvre une nouvelle astronomie. On a un physicien de la relativité générale, Thibaut Damour, qui a dit « on chausse de nouvelles lunettes ». Et oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. On va avoir accès à la physique des événements les plus énergiques de l'univers, comme la fusion de trous noirs. On va sans doute en savoir plus sur la matière noire, sur l'énergie noire. Peut-être que tout cela peut déboucher sur une nouvelle théorie de la relativité. On va probablement découvrir des objets, des phénomènes dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, LIGO, c'est formidable. Mais si LIGO, c'est formidable, alors LISA, c'est extraordinaire. LISA, comment vous dire ? LISA, c'est une sorte de super LIGO dans l'espace. LIGO, c'est, vous connaissez, vous avez peut-être vu ces images, c'est un détecteur avec des bras de plusieurs, et des faisceaux lasers à l'intérieur de ces bras qui font plusieurs kilomètres de long. Là, les bras de LISA dans l'espace vont faire plusieurs millions de kilomètres. Des faisceaux lasers qui vont atteindre plusieurs millions de kilomètres de long. Et on va essayer de vérifier si leur longueur se modifie de la taille d'un atome. C'est ça la précision qu'on veut essayer de trouver, car si la longueur de leurs bras se modifie de la taille d'un atome, alors ça voudra dire qu'une onde gravitationnelle est passée par là. Donc LIGO, LISA, ben voilà, faut parler de LISA Pathfinder, hein, Pathfinder, bien sûr. Il faut s'assurer qu'on est capable de réaliser LISA. LISA, c'est dans 20, c'est dans 30 ans. Il faut s'assurer qu'on est capable de réaliser LISA. Et pour ça, on a lancé, c'est en décembre dernier, on a lancé LISA Pathfinder. Pathfinder, ça veut dire éclaireur. C'est un éclaireur, un Pathfinder. Et effectivement, il faut essayer d'éclairer le chemin pour permettre au programme LISA d'avancer. Et c'est ce à quoi s'emploie donc LISA Pathfinder, qui n'a pas encore commencé à faire fonctionner sa science ou sa technique profonde, sa charge utile. On n'en est pas encore là. Et voilà, ce sera le 1er mars. Mais aujourd'hui même avait lieu une étape absolument critique pour savoir si LISA Pathfinder serait capable de réaliser ce qu'elle devait faire. Et bien, on va voir si effectivement ça s'est bien passé. On va en discuter tout à l'heure. Alors, à quoi sert LISA Pathfinder ? Comment va fonctionner le futur détecteur géant qui est LISA ? Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cette nouvelle astronomie qu'on nous annonce ? Eh bien, on va en discuter avec vous. Hein. Je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir poser vos questions, donner vos avis, intervenir évidemment, et puis discuter surtout avec nos deux intervenants. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Pierre Binetruy et Sylvie Léon. Applaudissements. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Avant que vous nous vous présentiez, je vous rappelle que c'est un événement qui est organisé par le CNES, l'Agence française de l'espace, et que vous pouvez intervenir aussi sur Twitter dans le débat. Le débat a lieu aussi sur Twitter avec le hashtag CNES TweetUp. Alors Sylvie Léon, Pierre Binetru, merci infiniment d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien nous dire qui vous êtes et à quel titre vous vous exprimez, Sylvie Léon? Oui, bonsoir à tous. Donc, je travaille au CNES, qui est juste à côté. Là, vous pourrez peut-être passer devant en reprenant le RER au Forum des Halles. Et donc, je suis chargée du programme de physique fondamentale. Alors, il y a peut-être dans la salle mon collègue Olivier Lamarle qui est chargé de l'astrophysique. Je ne l'ai pas vu, mais il est souvent, voilà. Il est souvent là à votre place. Mais oui, donc Lisa Pathfinder et Lisa sont à cheval entre les deux thèmes. Et donc, le thème de physique fondamentale, en fait, s'intéresse à l'étude de la gravitation. La gravitation, c'est une des interactions fondamentales qui est toute petite, mais qui a des effets considérables, comme on va pouvoir le voir. Et donc, la physique fondamentale cherche à tester la théorie qui décrit la gravitation, donc la théorie d'Einstein et tous ses dérivés, enfin les théories métriques. Donc, il y a un certain nombre de projets qui ont été engagés il y a 20 ans, comme vous l'avez dit, et qui justement arrivent en tir groupé. Là, donc on a LISA Pathfinder qui est lancée, on va avoir Microscope au mois d'avril, on a aussi un autre projet l'année prochaine d'une horloge qui va mesurer le temps. Pharao, oui. Et donc l'idée, c'est de tester la relativité vraiment à son extrême limite. Pour le moment, elle n'est pas mise en défaut et on va le voir tout à l'heure. Mais bon, il y a un certain nombre de problèmes qu'on évoquera plus tard. Je vais pas en dire plus pour justifier ces expériences. Très bien. Donc, responsable de la physique fondamentale à la direction de l'innovation et des applications au CNES. Et Pierre Binetruy. Moi, je suis chercheur au laboratoire astroparticules et cosmologie, qui est un laboratoire de Paris Diderot. Je suis professeur. Et je suis théoricien de formation, je m'intéresse, je viens de la physique des particules et puis petit à petit je me suis intéressé à des choses de moins en moins microscopiques et de plus en plus grandes, donc la cosmologie et la gravitation, et je suis le responsable français de la mission LISA. Et responsable français de la mission LISA, donc qui n'est pas encore lancée, voilà, ce sera dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, voilà. Et pour la préparation de laquelle on a lancé LISA Pathfinder en décembre. Vous n'êtes pas gentil de dire dans 30 ans, non. Ça... Ah, bah, attendez, c'est vous qui m'avez dit. Moi, dans 15 ans. Non, vous m'avez dit 18 ans, excusez-moi, je me trompe, 18 ans, c'est ça que vous m'aviez dit. On va faire en c'est 2034, c'est ça? Alors, la date officielle est 2034, on en reparlera, oui, à mon avis, ça aura lieu avant. Voilà, donc c'est 18 ans, pardon, excusez-moi. Et je dois dire que dans la salle, il y a d'autres chercheurs, et entre autres de LISA Pathfinder aussi. Absolument, donc c'est pas 30 ans, c'est bien plutôt... A priori 18 ans et peut-être moins, on peut l'espérer, après que cette découverte de LIGO. Alors, je vais vous passer le micro tout à l'heure, mais pour l'instant, on va débroussailler un petit peu le sujet. Et j'aimerais bien que vous me disiez... voilà, on a cette annonce énorme de LIGO, et puis on sentait... Il y avait des bruits qui percolaient là jusqu'à nous, on a entendu ça, des rumeurs. Depuis quand est-ce que vous êtes au courant de cette découverte, entre guillemets, Sylvie Léon, Pierre Binetruy? Oui, je ne devrais pas le dire, mais en fait, je le sais quasiment depuis le début, ça, même si c'était sous embargo. Et c'était quand? En septembre, alors? C'était en septembre, oui. Ah ouais. Donc, vous l'avez appris, parce que c'est un événement, à un moment donné, on a la fusion de trous noirs, on voit le signal, on va le voir là dans le petit livret là, que vous avez sur vos tables, on a le signal, et là, vous vous dites quoi, là, quand vous voyez ça, quand vous apprenez ça? Ben effectivement, ça a été d'abord une surprise, parce que même si on s'y attendait, moi j'avais parié qu'on verrait un signal avant 2017, enfin au plus tard en 2017, mais c'est une surprise que ça arrive aussitôt. C'est même arrivé dans ce qu'on appelle un engineering run, c'est-à-dire le détecteur ne fonctionnait pas pour détecter des événements scientifiques. Il était encore en... Ah ouais? Voilà, donc c'est vraiment... On était en train de le tester, là. Il était... Alors, le test était fini, mais il y a encore une période... Voilà, donc c'est arrivé extrêmement tôt. Et comme j'ai beaucoup de collègues de LIGO et que j'en connais pas mal... Ah, vous dites LIGO, pas... vous? Oui. Ben, j'ai vu qu'ici, on dit LISA Pathfinder et LIGO, mais... Vous dites LIGO, d'accord. Voilà. Ok. Et alors, quand vous avez appris ça, vous vous souvenez où vous étiez, comment vous l'avez appris, qui vous l'a appris Oui, je me souviens, mais je ne le dirai pas. Ah bon, pourquoi pas dit... Ah non, bon, non, parce qu'il n'a pas le droit. Non, il n'avait pas le droit de ah, le merde. Dire. Voilà. Pardon, excusez-moi. Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est effectivement très important aussi pour la mission spatiale, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, finalement, l'information nous est arrivée assez vite. En fait. Parce que vous êtes concerné, vous, avec LISA. Voilà. Parce que si LIGO fonctionne, qu'est-ce que ça signifie pour votre... Enfin, pas fonctionne, mais découvre des ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que ça signifie pour LISA et LISA Pathfinder? Alors, les ondes gravitationnelles, on savait que ça existait normalement, puisqu'en fait, il y a même un prix Nobel qui a été donné pour ceci. On voit des systèmes binaires, ce qu'on appelle des pulsars binaires, et qui perdent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles et dont la période varie. Et donc, effectivement, Hulse et Taylor avaient observé cette décroissance de la période de ces pulsars binaires, et donc on savait que ça existait, mais c'est une façon indirecte de le voir, tandis que là, pour la première fois, voilà une détection directe. Et je dois dire que même si l'ESA a décidé il y a maintenant, donc en 2013, il y a un peu plus de deux ans, de faire cette mission spatiale, il y avait toujours des gens dans les comités, etc., qui se disaient, bon, on aura le temps de venir voir quand ces ondes-là seront là. C'était effectivement, pour certains astrophysiciens, on va dire, ce n'était pas la priorité tant qu'on ne les avait pas découvertes. Donc maintenant, on les a découvertes, et donc j'espère que ça devient la priorité. D'accord. Donc ça, c'est excellent pour la mission spatiale, Sylvie Léon. Oui, oui, tout à fait. En plus, on en a vu plus que... Enfin, des plus gros, c'est des signaux plus gros, et visiblement avec des sources plus nombreuses que ce qu'on imaginait. Donc ça va aussi être un point positif. On a eu d'autres signaux que celui-là ? Non, mais ouais. Par les déductions de ce qu'on voit, même sur ce signal là, qu'on décrira après, on imagine qu'il y a de nombreuses sources, ce qui pouvait être un point un peu risqué dans ce genre d'expérience, en fait. Vous voulez dire qu'il y a de nombreuses sources, quoi, dans le signal qu'on a vu ou Non, on en déduit qu'on doit avoir une fréquence de signaux suffisante. Ça, je comprends. D'accord. OK. Et donc, parfait. Évidemment, ça va être quelque chose, un accélérateur pour cette mission LISA. Il faut aussi quand même attendre les résultats de la mission précurseur LISA Pathfinder. Ouais. Bon, pour le moment, tout se passe bien, mais dans 6 mois, on aura les résultats de cette mission. Et à ce moment-là, il y aura évidemment une synthèse des résultats, de ce qu'on fait au sol, et les choses vont s'accélérer. Donc LISA Pathfinder est bien là pour essayer de voir si on peut faire LISA. Si dans 6 mois, on a des résultats positifs, là, vous irez, j'imagine, voir vos ministres de l'espace ou que sais-je. Vous irez voir le CNES. Le CNES ira voir le ministre et leur dire, allez, là, il faut y aller. Oui, alors, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne. Ouais. Donc, CNES a une voix forte. Tout va se passer au niveau européen. Ouais. Il se trouve que cette année, il y a une conférence de l'ESA au niveau ministériel. Ça tombe bien, au mois d'octobre. Donc, ouais. Peut-être... On peut toujours rêver. Enfin, les ministres de l'espace qui se regroupent une fois tous les 2 ans, si je ne me trompe pas. Oui, tous les 4 ans. Ouais, d'accord. Et qui donc, décident du budget de l'ESA pour les 4 voilà. années qui suivent. Normalement, on va décider du lancement d'Ariane 6, entre autres choses, à cette Oui, il y aura certainement des sujets plus importants. Ah, mais c'est pas mal quand même. Parce qu'un LISA, ça coûte quand même... Un milliard, quelque chose comme ça, 1 milliard d'euros. Alors LISA, c'est ce qu'on appelle une mission large de l'ESA. Donc c'est calassé comme les t-shirts à l'ESA pour les missions. Donc il y a les missions small, les missions medium, les missions larges. Ça correspond à des niveaux de financement. Et effectivement, les missions larges sont des missions qui font 1 milliard d'euros. C'est ça, on est de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc des missions comme par exemple la mission Rosetta, on appelait ça pierre angulaire à l'époque, ou des missions comme la future mission de JUICE qui va aller explorer Jupiter. Et donc là, ce sont des missions effectivement qu'on prépare pendant un certain nombre d'années et qui coûtent... Voilà Olivier Lamarre d'ailleurs. Voilà, alors dites donc une chose importante... Cette nouvelle astronomie-là, qu'est-ce que vous nous imaginez pour l'avenir ? Ok, on a un détecteur à ondes gravitationnelles. Jusqu'ici, on avait des détecteurs surtout à photons. Hein, on voyait des rayons infrarouges, on était dans l'optique, on était dans les rayons X, que sais-je, tout ça c'est de la lumière. Là on a des ondes gravitationnelles. Donc on change, on passe à autre chose, totalement, ce sont vraiment de nouvelles lunettes qu'on chausse. Et qu'est-ce que ça va permettre de voir, de savoir, où est-ce qu'on va aller là, Pierre Binetruy ? C'est un peu l'importance de la découverte, parce que on sait depuis Newton que l'univers dans ses plus grandes dimensions est mu par la gravité. Alors moi je dis toujours c'est un accident parce qu'on a des yeux. Quand on a commencé à faire des instruments, on a essayé de faire mieux que les yeux, donc la lunette de Galilée, et puis, puis après on est allé dans d'autres domaines de longueur d'onde ou de fréquence des ondes électromagnétiques. Mais en fait, donc pour la première fois, on va voir l'univers avec les ondes de la gravité, qui est cette même gravité qui est quand même le moteur de l'univers dans ses plus grandes dimensions. Donc ça change un petit peu, ça change les choses, ça change les choses d'un point de vue de l'astrophysique. On va voir le moteur même, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça. On va voir les effets du moteur même. Et quand on reviendra sur l'événement qui a été observé, c'est frappant de voir comme vraiment, on voit vraiment très distinctement un certain nombre de faits qui paraissent de la science-fiction totale. Voilà. Donc c'est ça qui s'ouvre aujourd'hui. Et donc, effectivement, alors on va voir toutes sortes de choses. Pour l'instant, ces ondes gravitationnelles sont difficiles à observer. On a mis 100 ans à les observer. Donc c'est surtout les événements les plus violents dans l'univers qui vont être observés. Des fusions de trous noirs, comme celle qui a été observée, des fusions d'étoiles à neutrons. Avec la mission spatiale, on verra des fusions de trous noirs supermassifs, ceux qui sont au centre des galaxies. Alors on passe d'une échelle, les trous noirs qui sont en fusion et qui viennent d'être observés ont une trentaine de masses solaires. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils ont chacun 30 masses solaires. Oui, à peu près, oui. 30 masses comme celle du Soleil. Et tandis que les trous noirs qu'on verrait avec la mission LISA, c'est quelques millions, quelques dizaines ou quelques centaines de millions de masses solaires. Donc des événements beaucoup incomparablement plus importants. Voilà. Et donc on voit des événements dans tout l'univers observable. C'est aussi une des différences. Donc c'est un premier aspect des choses. Un deuxième aspect. Donc ça, c'est les événements les plus énergétiques de l'univers. En tout cas, en ondes gravitationnelles. En ondes gravitationnelles. Mais il faut voir que. Je vais donner une comparaison qui était donnée par Kip Thorne, un physicien que vous connaissez peut-être, un physicien américain grand spécialiste des trous noirs, mais qui a aussi contribué au film Interstellar, donc qui est beaucoup plus connu encore que grâce à ça avant, mais c'est un tout grand spécialiste des trous noirs, et il était dans la conférence de presse à Washington pour l'annonce de la découverte. Et il a expliqué que le seul événement qu'ils ont observé émet plus d'énergie en ondes gravitationnelles que toutes les étoiles de tout l'univers n'émettent en lumière. Donc on est en train de parler de l'échelle d'énergie associée à ces événements est absolument colossale. Elle nous ignore superbement quand elle passe, c'est pour ça qu'elle est si difficile. Oui, c'est des ondes gravitationnelles qu'on ne sent pas. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, parce que effectivement, la force gravitationnelle est très faible à notre niveau. Mais il faut voir que c'est des échelles d'énergie absolument colossales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde... Ah, allez-y, Sylvie Léon. J'ai entendu 10 puissance 48 watts. Ah, d'accord. Pas mal. Ça en fait des ampoules. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Comment est-ce que vous l'expliqueriez? Alors, revenons à la théorie d'Einstein. 1915, Einstein nous explique que toute masse déforme l'espace-temps et qu'entre autres, un rayon lumineux qui passe près d'un objet très massif va être courbé. Est-ce qu'on peut regarder ça sur une petite planche là? Voilà. Si vous allez à la planche numéro 7, hein, vous avez un certain de, vous avez des petits dépliants là sur vos tables, et on va aller à la page numéro 7. Voilà, donc effectivement, si vous lancez une petite balle dans cet espace courbé... On va prendre la petite bille rouge, voilà, là. Voilà, la bille rouge. Eh bien, si elle passe près de la grande déformation, vous voyez, avec la bille jaune-grise, eh bien, elle ne va pas se propager en ligne droite, mais en ligne courbée. Elle suit ce qu'on appelle une géodésique. C'est ça. C'est le plus court chemin entre deux points qui n'est plus une droite. Et donc la conclusion, c'est que les rayons lumineux qui suivent aussi le plus court chemin sont courbés. Donc les rayons lumineux sont également courbés par la présence d'un corps massif. C'est ça, oui. Et c'est un signe que l'espace-temps est courbé, en fait. Puisque, c'est ça. Einstein avait réuni l'espace et le temps avec sa théorie de la relativité restreinte, et d'un seul coup, il va plus loin en 1915. 15, il explique que l'espace-temps est courbé par la masse et donc les rayons lumineux se déplacent, quand ils passent près d'une masse, sont courbés. Alors là, c'est ce qu'on voit, hein. Cette espèce de maillage, voilà. C'est l'espace-temps. Hein. C'est ça, on voit qu'il est effectivement courbé en la présence de corps et de masse. Et alors, en 1919, coup de théâtre, on observe une éclipse et on voit que pendant l'éclipse, on voit des étoiles qui sont derrière le soleil, alors qu'elles devraient être complètement occultées. Et donc, c'est ça qui a démarré la légende d'Einstein. Ça a fait les grands titres des journaux comme la découverte plus récente. D'un seul coup, cette théorie que personne n'était censé comprendre... qui prédit quelque chose de complètement étonnant, qui est que les rayons lumineux sont courbés par la masse, eh bien, cette théorie-là est vérifiée par l'observation juste 4 ans après la théorie. 4 ans après, voilà. 1919, 1919. On a une preuve observationnelle, voilà, ouais, de l'existence de ce que disait Einstein, à savoir la courbure de l'espace-temps. Et donc, entre-temps, 1916, donc juste l'année d'après la théorie, donc il y a exactement 100 ans, Einstein écrit un papier où il se pose la question et il donne les premières équations. Après, il va compléter ça dans les années qui suivent. Mais il donne les premières équations qui laissent entendre que si vous avez de la masse qui se déplace cette fois-ci, eh bien, vous allez avoir de la courbure qui va se déplacer. Et donc, ça va former des ondes de courbure, qui sont ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, exactement comme quand vous lancez un caillou ou une grosse pierre dans une mare d'eau, eh bien vous avez des ondes de courbure qui se propagent, des vagues qui se propagent, eh bien c'est exactement le même genre de phénomène. Donc si on accélère, par exemple, la bille jaune, si elle commence à partir très rapidement, au fond, ça va être comme un bateau dans la mer, il va y avoir des sortes de vagues qui vont... Si la bille jaune explose, idem, à condition qu'elle ne soit pas sphérique, complètement asymétrie sphérique, il faut qu'il y ait une asymétrie. Ah, d'accord. Ça, c'est ça qui est nouveau par rapport à ce qui se passe, mais à part ça, c'est exactement comme ça. Et à ce moment-là, ces ondes commencent à se propager, et comme la force de gravité est relativement faible, eh bien, elles sont difficiles à détecter, mais par contre, elles sont peu atténuées par ce qu'elles rencontrent, et donc, elles continuent leur chemin comme ça à travers tout l'univers. Est-ce que c'est l'information gravitationnelle qui est propagée par ces ondes ? C'est vraiment l'information de l'explosion qui a eu lieu, oui, oui. Ouais. C'est vraiment qui se propage à peu près sans déformation, sauf qu'elle diminue en intensité au fur et à mesure, parce que l'information se propage sur des surfaces de plus en plus grandes, mais elle diminue moins que les ondes lumineuses, mais elle... est encodée là-dedans, toute l'information de ce qui s'est passé à la source. Est encodée là-dedans, dans cette onde, tout ce qui s'est passé à la source. Ouais. C'est-à-dire que si je reçois une onde gravitationnelle, je suis capable de dire un certain nombre de choses sur ce qui s'est passé à la source. C'est exactement ce qu'on montrait. C'est exactement ce qui... On va en revenir sur l'événement qui a été observé. Ouais. C'est exactement ça qui se passe. Alors on peut aller voir justement l'événement qui a été observé. On va le regarder en page 8. Alors en page 8, on a la fusion de trous noirs. Donc en haut à droite, on a des trous noirs. C'est une vue d'artiste, hein. C'est une manière de représenter les choses. C'est une simulation, ça. C'est une simulation, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que les trous noirs, on n'en a pas vu. Alors les trous noirs, on en a vu avec la lumière parce que... deux mots peut-être sur les trous noirs. Les trous noirs... qui sont des prédictions aussi de la relativité générale. Ce n'est pas une prédiction auquel croyait Einstein, mais tout le monde peut se tromper. Il se trompait en ayant raison. Enfin, oui. Bref, d'accord. Mais donc, ce sont des objets qui sont tellement massifs et tellement compacts que dans leur voisinage, ils attirent toute matière et toute lumière, mais uniquement dans leur voisinage. Donc leur force d'attraction gravitationnelle est gigantesque parce qu'ils ont une densité, une masse et une densité énormes. Et donc ils sont entourés d'une surface qui est une surface fictive d'une certaine façon qu'on appelle l'horizon. Et en fait, c'est ça qui est plus ou moins... Donc ce que vous voyez, par exemple, dans la simulation... Sur cette page-là, les taches noires, c'est l'horizon du trou noir, enfin de deux trous noirs. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait orbiter autour du trou noir tant que vous ne franchissez pas cette limite-là. Si vous la franchissez, vous ne pourrez pas revenir nous expliquer ce que vous avez vu. D'accord. Vous me donniez au téléphone, vous me donniez l'image de la cascade. Oui, on est en haut d'un fleuve, et puis au bout, il y a une cascade qui va tomber. On peut nager dans le fleuve, on peut revenir en arrière, puis à un moment donné, vous me disiez, c'est trop tard, on va être emporté, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça, le meilleur nageur du monde ne pourra plus revenir en arrière. Il a passé une ligne fictive. Voilà. C'est ça qui est intéressant de l'image de la cascade, c'est qu'il n'y a pas de... bon, ici, vous voyez quelque chose de tout noir, mais si vous baladez dans l'univers, il ne va pas y avoir un signe. Alors, peut-être que dans le cas de la rivière, il y aura peut-être marqué « attention, danger », mais, mais là, il n'y a rien qui vous indique ça. Et à ce moment-là, vous allez franchir cette ligne fictive, mais c'est trop tard, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Mmh. Le meilleur nageur du monde, enfin, ou de l'univers, c'est la lumière. Même la lumière n'arrive plus à revenir en arrière ou, pour expliquer ce qu'elle a vu. En bas à gauche de cette page 8, on a aussi une représentation où on voit finalement deux trous noirs qui sont en train d'orbiter l'un autour de l'autre, qui un jour vont entrer en fusion, vont coalescer, hein, comme on dit maintenant. C'est un nouveau mot, la coalescence des trous noirs, très joli mot, qu'on a appris il y a quelques jours. Et donc, on voit des ondes gravitationnelles là, qui sont en train d'être produites. Oui, parce que les deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre, donc c'est la masse en mouvement, et de la masse en mouvement, ça crée des ondes gravitationnelles. Donc c'est aussi simple que ça. À partir du moment où la masse est en mouvement, elle crée des ondes gravitationnelles. Elle va en créer dès le début, mais en fait, c'est surtout quand ils vont être très proches l'un de l'autre et que l'attraction gravitationnelle va être très intense, qu'à ce moment-là, on a des chances peut-être de voir ça dans nos détecteurs. Alors, il y a plein de choses dont on a envie de parler ce soir. On peut revenir là-dessus, évidemment. On a même les courbes exactes, on pourra y revenir, de l'événement qui a été observé. C'est la fusion de deux trous noirs qui a été observée en septembre dernier avec LIGO. Il faudra qu'on parle de LISA Pathfinder, bien sûr. Est-ce qu'on peut quand même parler de LISA avant que je ne vous passe la parole? Donc, LISA, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des satellites, des appareils qui vont être distants les uns des autres de plusieurs millions de kilomètres avec des faisceaux lasers. En fond, on a compris là ce qu'étaient les ondes gravitationnelles, on a compris comment elles étaient produites. Et LISA, alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour les détecter? Oui, je vais revenir juste une seconde sur le détecteur au sol. Donc, vous avez dû voir les photos avec deux grands bras. On va y revenir ensuite. Voilà, mais qu'on appelle un interféromètre. Donc, LISA va refaire un interféromètre optique du même type dans l'espace. Alors, pourquoi aller dans l'espace alors qu'on voit déjà les ondes au sol? En fait, au sol, on les voit dans une certaine gamme de fréquences qui est de l'ordre de 1 Hz à 10 000 Hz. Et donc, il y a des sources qui correspondent à cette fréquence, qui sont des sources, bon, on a dit 30 masses solaires, enfin, qui sont des sources qu'on va considérer comme relativement petite finalement. Et donc dans l'espace... La fusion des trous noirs qu'on a vu là, avec quelques dizaines de masses solaires d'un côté et de l'autre, ça pour vous c'est petit ça? Enfin, pour moi c'est gros, mais pour les spécialistes, c'est petit. Et donc en fait on est limité au sol par un certain nombre de choses. D'abord par les vibrations du sol, les vibrations sismiques, enfin toutes les vibrations qu'il peut y avoir autour. Par exemple en Italie il y a aussi un interféromètre. On va y revenir sur LIGO, Virgo. C'est juste pour dire que cet interféromètre... C'est LISA. Intéressons-nous, regardez les trous noirs et on a... Pourquoi l'espace? Ouais. Donc c'est parce qu'on peut s'affranchir des difficultés qu'on a au sol. Ouais. Je parlais des vibrations, je parlais aussi de la longueur des bras, puisqu'on ne peut pas faire des bras extrêmement longs, on a quelques kilomètres. Dans l'espace, on va avoir tout l'espace qu'on veut, donc on va faire des bras effectivement très longs, donc atteindre une nouvelle gamme de fréquences et de nouvelles sources. Et des sources donc beaucoup plus massives, des trous noirs supermassifs qui coalescent, comme vous dites, ou d'autres deux sources dont on pourra parler. Et donc, on va faire ça, en fait, en prenant trois satellites. On peut les voir, là. Si vous allez en page 3, vous allez voir les trois satellites et les faisceaux laser qui les... Voilà, donc, alors je ne peux pas le décrire puisque vous avez dit qu'on va en reparler, mais donc ces trois satellites sont basés sur le même principe que ce qu'on fait au sol. Donc, on va avoir en fait ici une combinaison de trois interféromètres. Si on prend deux bras partant d'un sommet du triangle, on a deux faisceaux laser et puis on peut faire ça trois fois. Donc, on a d'un seul coup une combinaison de trois interféromètres avec des bras qui vont faire entre 1,5 et 5 millions de kilomètres. Et donc on aura une antenne absolument extraordinaire qui en plus va tourner. Il y a une figure qui indique l'orbite. Donc c'est la figure en bas à gauche, hein, de la page 3. Voilà, donc cette formation de trois satellites va suivre la Terre sur la même orbite à 20 degrés. Enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est marqué sur la figure. Ouais. Voilà, donc à 20 degrés derrière la Terre. Et donc, le triangle va aussi se trouver à diverses positions. Tout au long de l'orbite, en fait. Et de cette façon-là, on va aussi faire comme si on avait tout un réseau d'interféromètres et pouvoir localiser la source. Parce qu'au sol, on est aussi limité par le nombre d'interféromètres qu'on a. On cherche à se mettre en réseau. Pour le moment, il y a trois grands interféromètres. Il y en a des plus petits. Il y a deux LIGO et Virgo. Il en faut plusieurs pour arriver à localiser la source. Donc cette espèce de roue qui va tourner est aussi intéressante. D'accord. Alors Pierre Binetruy, on a des faisceaux laser, ça sert à quoi? J'ai compris ce que c'était une onde gravitationnelle, et pourquoi il faut des bras laser? Je ne vois pas le lien là. Eh bien en fait simplement parce que les ondes gravitationnelles correspondent donc à des déplacements de distance, donc c'est des variations de distance, hein, parce que c'est assez simple, si on repense tout à l'heure au schéma où il y avait une courbure de l'espace-temps, si vous avez la courbure de l'espace-temps, la distance se met à varier entre deux points. Donc c'est ça qu'on va vérifier. On essaie de voir si les distances entre deux points qui sont censés ne pas avoir bougé l'un par rapport à l'autre, si cette distance a changé ou pas. Si cette distance a changé et a changé de façon périodique, parce qu'une onde c'est un phénomène périodique. Donc c'est ça. Périodique, c'est-à-dire ça recommence. Ça, oui, c'est-à-dire que ça se voilà. Et alors maintenant, c'est des distances absolument microscopiques. Vous avez parlé de... Qu'est-ce qui est des distances microscopiques? Les variations de distance. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà. Les variations de distance sont absolument microscopiques. Et donc, c'est pour ça que, évidemment, par exemple, le mètre étalon à Sèvres, on aurait du mal à mesurer des variations de distance. Donc, on utilise ce qu'on sait faire de mieux. Et en fait, ce qu'on sait faire de mieux depuis la fin du 19e siècle, c'est d'utiliser la lumière et la longueur d'onde de la lumière. Et comment est-ce qu'on utilise la longueur d'onde de la lumière pour mesurer des distances? C'est aussi depuis la fin du 19e qu'on sait faire ça, avec Michelson qui nous a expliqué le phénomène d'interférence lumineuse nous permet d'utiliser la lumière pour mesurer des variations de distance. Et donc on utilise ce qu'on appelle un interféromètre qui consiste justement en deux bras dans lesquels circulent des faisceaux lumineux qui sont issus de la même source et qui vont se recombiner et interférer. Et ce phénomène donc, d'interférence entre deux faisceaux lumineux qui donne des franges obscures et des franges lumineuses. C'est une sorte de dessin. Hein. Voilà. Donc, ma lumière se sépare, je la fais revenir au même endroit sur un écran. Voilà, j'ai un petit dessin qui va se produire avec ces deux faisceaux qui reviennent sur mon écran. Et qui me permet de mesurer les distances qu'a parcouru la lumière dans chaque selon direction. Selon les changements dans le dessin, ouais. Je peux voir qu'il y a effectivement des distances qui ont été modifiées. Alors, quand une onde gravitationnelle passe, elle va faire varier les distances d'une façon bien particulière. C'est-à-dire que c'est facile là, parce qu'on a un interféromètre. Ah bon, dans on a la un interféromètre salle. Naturel là. Voilà. Nous, on est au centre. Donc ça veut dire que quand cette distance. Alors je ne sais pas si vous me voyez. On va vous appeler là le bras de droite et le bras de gauche si vous voulez bien. C'est le bras de droite, j'appelle moi. Oui, je ne connais pas la droite de la gauche. Ah, vas-y, c'est là. Voilà, donc quand le bras droit diminue en taille, le bras de gauche augmente en taille et réciproquement. Ah. Et donc, voilà, de façon périodique. Donc, c'est un mouvement très particulier. Quand il y a une onde gravitationnelle qui passe. Donc, quand il y a une onde gravitationnelle qui passe, et donc, si l'onde gravitationnelle passe à travers l'interféromètre, l'un des bras de l'interféromètre va avoir une taille un peu plus petite, pendant que l'autre augmente de taille, et puis juste une période plus loin, ça va être plus tard, ça va être exactement l'inverse. Donc c'est ce genre de mouvement qu'on essaye d'observer, et là on a le meilleur, je dirais, étalon de distance qu'on puisse avoir, qui est la lumière, la longueur d'onde de la lumière, et donc c'est ça qui permet d'arriver à des distances, des variations de distance extrêmement faibles. Alors mon faisceau là, le laser, il va atteindre quelque chose comme 5 millions de kilomètres. Oui. S'il y a une onde gravitationnelle qui passe, mon faisceau va se contracter ou s'agrandir de combien? Alors, attention, ce n'est pas le faisceau. Ah. c'est pas le faisceau. On cherche à faire varier des objets matériels. Donc, en fait, c'est des masses qui sont à l'intérieur des satellites. Masses. on y reviendra, parce que c'est le principe de la mission LISA Pathfinder. Ouais. Mais en fait, il y a des masses à l'intérieur des satellites, et ce qu'on mesure, c'est les variations de distance entre ces masses. Donc à l'intérieur de chaque satellite, en fait, il y a même plusieurs masses, mais admettons qu'il n'y en ait qu'une. Et ce qu'on mesure, c'est les variations de distance entre deux masses. Et c'est ça qui... Et donc en utilisant la lumière qui se réfléchit sur ces masses, plus ou moins. Ça, j'ai compris. Ok. Masses, oui, je vous en prie. Les masses doivent être en chute libre parfaite. Donc c'est ça qui va aussi imposer certaines contraintes à la fois au sol et dans les. Alors, dans ce qu'on l'espace. Appelle être en chute libre, c'est en fait être. Être soumise uniquement à la gravitation. Voilà, être soumise uniquement à la gravitation. Quand on est ado, on a des problèmes de peau. Avec notre âme sœur, on cherche la fusion chaque soir. À nous voir agir, ça n'est pas toujours très beau. C'est la coalescence des points noirs. Xavier. Alors, je viens jusqu'à vous, je vous passe le micro, vous pouvez discuter directement avec Sylvie Léon, Pierre Binetruy, la parole est à vous. Bon, là, j'ai plusieurs questions pour bien définir le phénomène dont on parle. Déjà, pour ces ondes, c'est pas des ondes lumineuses ou équivalentes, manifestement. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des ondes, ce que j'appellerais mécaniques, comme le son qui est comme une propagation d'un changement de pression dans l'air, et on pourrait considérer que c'est un peu l'équivalent, sauf que c'est dans l'espace. Ensuite, deuxième chose, est-ce que il est, comment dire, peut faire abstraction du mouvement, enfin on est obligé de faire abstraction du mouvement relatif des différents satellites dans ce cas-là, puisque comme ils sont sur des orbites qui sont quand même assez éloignées l'une de l'autre par rapport au Soleil, etc., il doit y avoir déjà un changement une différence de vitesse. Différence dans les perturbations dues à tout ce qu'il peut y avoir autour, les objets célestes, etc. Donc ça veut dire qu'il faut éliminer toutes ces choses-là dans le calcul et les maintenir en permanence à la même distance pour que ça fonctionne en tant qu'interféromètre. Donc il doit y avoir pas mal de bruit. Et est-ce que c'est justement en éliminant tous les effets de ce bruit qu'on arrive à détecter quelque chose ? Je vais prendre la première question. Et puis la deuxième, ça va vraiment introduire ce qu'est LISA Pathfinder, donc c'est très bien. Est-ce que les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace un peu comme le son dans l'atmosphère ? Alors, les ondes gravitationnelles, un petit peu, oui. C'est-à-dire que Einstein nous a expliqué que donc, l'univers est courbé par la matière. Ensuite, ces ondes gravitationnelles sont des déformations de courbure. Donc en fait, il faut vraiment voir l'espace-temps. Donc on est dans l'espace-temps, hein, l'espace-temps comme un milieu élastique. Alors ça peut paraître étonnant et voilà, il faut un certain temps pour s'adapter à cette idée-là, que notre espace-temps est élastique, mais c'est exactement ça qui est observé. Donc l'espace-temps, c'est ce tissu hein, qu'on a vu, cette espèce de maillage. Voilà, donc, hein. C'est lui qui pendant longtemps, on imaginait l'espace et le temps comme des choses différentes et un petit peu comme un quadrillage. Et en fait, c'est un milieu élastique et c'est ça qui va falloir, si vous voulez, un petit peu intégrer. L'événement qui est observé par l'expérience LIGO, c'est exactement ça. Il y a 1,3 milliard d'années, il y a deux trous noirs qui sont entrés en fusion. Ils ont déformé l'espace-temps autour d'eux. Cette déformation-là s'est propagée jusqu'à nous et nous l'observons exactement telle qu'elle s'est produite. Et ça ressemble vraiment à la science-fiction. Et je peux vous dire que même en ayant travaillé depuis des années là-dessus, il faut se pincer pour imaginer que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est vraiment ça. Alors je ne sais pas si... Je vous vois feuilleter la. Non, tout à fait. Peut... C'était effectivement. L'un des trous noirs faisait 29 oui. masses solaires et l'autre 36 masses solaires. Et ensemble, ils ont fabriqué un trou noir de 62 masses solaires. Voilà. Et c'était effectivement il y a plus d'un milliard d'années que ça s'est passé. Voilà, c'est ça. Et donc, on pourra tout à l'heure regarder le signal. Et on lit dans le signal les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, les deux trous noirs qui plongent l'un vers l'autre, les deux trous noirs qui dont les horizons se touchent. Ensuite, ça forme, dès que les horizons se touchent, il n'y a plus qu'un seul trou noir, mais avec un horizon un peu biscornu, vous imaginez. Et on devrait voir, alors c'est pas encore complètement clair là sur les événements qu'ils ont vus, mais on devrait voir après cet horizon qui se met à osciller et à redevenir un bel horizon sphérique. Donc tout ça, c'est assez remarquable, mais c'est les déformations de l'espace-temps qui se sont propagées, qui ont été produites il y a 1,3 milliard d'années et qui ont été observées le 15 septembre à 10h du matin. Alors, autre question, donc on a bien compris. Je voulais rajouter juste une image, puisque une image de ménagère qui fait la cuisine. On dit aussi, enfin c'est Thibaut Damour qui dit ça, qu'on peut représenter l'espace-temps comme une gelée, en fait, alors, une gelée de veau. Et effectivement, si on la touche, elle tremblote. Ça tremblote. Et dedans, il y aurait des filaments qui seraient la matière et qui sont étirés par la dimension du temps. Moi, j'ai fait de la cristallographie, donc je peux me le représenter comme un cristal qui se déforme quand on impose une contrainte qui peut venir de la matière, un défaut dedans. Alors, on avait donc une autre question. On a bien compris que ces trois satellites vont être à des millions de kilomètres les uns des autres. On cherche à mesurer des choses extraordinairement fines de l'ordre de la taille d'un atome. Donc, il faut que ces trois appareils bougent de façon extrêmement coordonnée et de façon extrêmement fine. Comment est-ce qu'on fait ? Il y a des tas de perturbations. On a la pression de radiation du soleil, hein, la lumière du soleil qui vient taper sur ces objets. Il y a beaucoup de problèmes là. Comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on fait une mission précurseur aussi pour tester LISA Pathfinder. LISA Pathfinder, pour tester les technologies qui vont être nécessaires. Donc dans LISA, c'est donc une constellation ou une formation de trois satellites en triangle. On voit ça en page 3, oui. Voilà. Et donc le monsieur demandait comment on faisait. En fait, ce ne sont pas tout à fait les satellites qu'il faut maintenir, mais les masses d'épreuves qui sont à l'intérieur. Et donc le satellite qui est autour de ces masses d'épreuves va justement servir à les maintenir uniquement soumises à la gravitation, donc suivant une géodésique dont on a parlé tout à l'heure. Et donc éviter, une trajectoire, ouais. Voilà, éviter toutes les perturbations qui peut y avoir. Donc sur ce satellite, il va donc, y avoir... J'ai bien compris, les satellites peuvent légèrement bouger. Ce qui compte, c'est les masses d'épreuves qui sont à l'intérieur, qui, elles, doivent être soumises que à la gravitation. Voilà, et donc le satellite sert de protection de ces masses. À toutes les influences, parce qu'il y a beaucoup d'influences. Voilà, alors de toutes les influences, donc les influences de la pression de radiation, comme vous avez dit, des micrométéorites. La pression de radiation, c'est donc juste la lumière du soleil, oui. Hein, c'est des photons qui viennent, ça n'a pas de masse, un photon Mais ça, vous connaissez les radiomètres, là, avec une face noire, une face qui réfléchit, ça se met à tourner. Ouais. Donc ouais, il y a une quand certaine même. Pression. Absolument. Sur ces satellites, on va mettre des micropropulseurs qui vont avoir une toute petite poussée, des micro-newtons, en fait, comme un flocon de neige qui tomberait dans le vide. Et ça a la même poussée qu'un flocon de neige, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Oui, ah bon, à peu près, mais ça marche en continu pour contrer justement toutes ces forces extérieures. En continu, ça crachote en permanence. Ça crachote, je ne sais pas combien de fois par seconde. J'ai lu 10 fois par seconde. Oui, à peu près, oui. Ouais. Enfin, je dis en continu, mais de façon suffisamment rapprochée. Et donc, ça va compenser en fait les forces de surface qui vont impacter le satellite et permettre que les masses restent flottant uniquement sous l'effet de la gravitation. Et donc, on va mesurer en fait le passage de ce faisceau laser d'une masse à l'autre. Bon, sur LISA Pathfinder, ça sera un peu plus simple qu'ici, puisque là, donc on va avoir un certain angle. Donc le triangle va un petit peu se déformer. Et effectivement, sur le pointage, il va y avoir deux télescopes dans chaque satellite. Il va y avoir un système quand même pour maintenir l'angle entre les deux satellites. Bon, sur LISA Pathfinder, on n'aura pas ce problème, puisqu'on ne considère... En fait, sur LISA Pathfinder, je peux peut-être le dire maintenant... on fait une expérience pour voir justement si on peut maintenir ces deux masses de la façon dont on a décrite. Donc on va s'intéresser aux deux masses et au trajet du faisceau lumineux avec l'interféromètre entre ces deux masses. Et au lieu de prendre 1 million ou 5 millions de kilomètres, on va raccourcir le bras et mettre les deux masses et un petit bras de 35 cm dans un même satellite. Donc c'est vraiment un modèle réduit qu'on va tester. On aura le temps d'aller voir la page sur LISA Pathfinder un petit peu après. Pierre Benutru, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, si je peux résumer, c'est le satellite qui encaisse les coûts. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, donc c'est lui qui prend tout et dès que donc il encaisse un coup, il y a un petit, une petite perturbation qui le pousse dans un sens. Et en fait, lui, il regarde toujours sa position par rapport à la masse qui est au milieu. Ah oui. Et à ce moment-là, d'un seul coup, il voit la masse qui se rapproche dangereusement. La masse est dans une cage. Alors la masse, c'est 4,6 cm. Hein. Voilà. Et c'est tout petit. Voilà. Et dans une cage qui l'entoure avec des électrodes. Et donc, les bords sont à 4 mm hein, voilà. de la masse. Et donc, dès qu'il sent que la masse se rapproche d'un des bords, en fait, c'est parce que c'est lui qui est en train de bouger. Ouais. Et à ce moment-là, il utilise ses micropropulseurs pour se reculer, se repositionner. Donc c'est lui qui vraiment casse les coups. Et donc le but de LISA Pathfinder, c'est de vérifier si c'est bien comme ça que ça marche, si c'est bien le. D'accord. Et puis peut-être un autre point, parce que souvent c'est quelque chose que même les physiciens ont du mal à comprendre. On n'est pas en train de. Donc on mesure pas au picomètre près la distance entre deux satellites. En fait, cette distance, elle varie. On dit que la constellation respire, c'est-à-dire quand elle tourne autour du Soleil, la distance varie. Mais la seule chose qui nous intéresse, ce sont les variations qui correspondent à la bande de fréquence du détecteur, c'est-à-dire 10-3 ou 10-4 Hertz à 10-1 Hertz. Ce qui veut dire en gros que ce qui nous intéresse, c'est les temps entre 10 secondes et 10 000 secondes. Donc c'est des perturbations. Voilà, il ne faut pas que ça bouge entre 10 secondes et 10 000 secondes. Si ça bouge sur des mois, c'est pas un problème parce qu'on est complètement hors de la bande de fréquence du détecteur. Et donc, c'est ce qui se passe. Effectivement, la constellation bouge, ça n'est pas fixé. Parce que c'est la première chose qu'on nous dit généralement, mais c'est complètement impossible que vous fixiez cette distance à 5 millions de kilomètres au picomètre près. Non, c'est pas ce qui se passe. Ce qui nous intéresse, c'est un certain laps de temps qui correspond à la fréquence du détecteur. D'accord, mais vous garantissez quand même que ça ne bouge pas à 10 secondes près, là, ça ne bouge pas. À 10 secondes ou à 10 000 secondes, ça, voilà, c'est l'idée, c'est que ça ne, y a rien qui... Là, ça ne bouge pas, d'accord. Monsieur. Merci, bonsoir. J'avais une question sur la vitesse de ces ondes. Est-ce que ça va à la vitesse de la lumière ? Et est-ce qu'on pourrait comparer avec la lumière justement cet événement, donc voir l'événement en même temps qu'on le voit avec les ondes gravitationnelles, si ça va à la même vitesse? Oui, ça. Alors, selon les prédictions de la théorie d'Einstein, ça va à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est une chose qu'on va essayer de vérifier. Alors, c'est compliqué. Alors, évidemment, l'espoir, c'est d'avoir d'avoir en même temps un signal électromagnétique. C'est-à-dire de la lumière. De la lumière ou des... Enfin, disons, une onde électromagnétique dans la gamme de fréquences, ce n'est pas nécessairement de la lumière visible. Bien sûr, lumière au sens large. Des photons, bien sûr. Alors maintenant, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît pour la raison suivante. On pense qu'il y a certainement des effets lumineux. Il suffit qu'une toute petite fraction de cette gigantesque énergie se transforme en énergie électromagnétique pour qu'on voit un signal. Et entre autres, par exemple, la coloration de LIGO, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des fuites, a demandé à toutes les collaborations, toutes les expériences qui regardaient le ciel dans la direction de l'événement, s'ils avaient vu quelque chose. Donc les télescopes, les VLT, voilà. Donc ils ont été obligés de demander aux satellites qui regardaient voilà. La difficulté, en fait, c'est la suivante. Les ondes gravitationnelles quittent tout de suite le site. Les ondes lumineuses, c'est plus compliqué parce que les trous noirs sont entourés de matière, en fait. Il y a de la matière, c'est des étoiles qui ont été déchiquetées et donc il y a ce qu'on appelle les disques d'accrétion autour des trous noirs. Et donc la lumière pourrait être diffusée par ceci et mettre du temps à sortir, parce que la lumière qui se reflète, etc., elle va toujours à la vitesse de la lumière, mais disons qu'elle s'éloigne plus difficilement. Et donc, bah, dans les très grands événements, par exemple, on pourrait imaginer que la lumière va mettre 20 ans à sortir, et donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de corrélation temporelle. Il n'y a plus nécessairement de corrélation. Ouais. Donc, il peut y avoir un retard entre la lumière et l'onde gravitationnelle. Ce qu'on est sûr, c'est que c'est l'onde gravitationnelle qui arrive la première, mais... Parce qu'elle est arrêtée par rien. Elle est arrêtée par rien, ouais. Tandis que la lumière peut avoir à se... diffuser, voilà, diffuser à travers toute cette matière et prendre du retard, en fait. Donc, c'est pour ça que ça peut être compliqué. Mais si on voit un signal lumineux qui est quasiment simultané, on aura à ce moment-là une limite sur la vitesse des ondes gravitationnelles. Bonsoir, je pose une question de profane, et très naïf sans doute. Comment sait-on que ce qui a été observé a été émis par une binaire de trous noirs ? C'est-à-dire que si c'est la première fois qu'on en observe des ondes gravitationnelles, comment on sait ce par quoi elles ont été émises, c'est-à-dire je peux concevoir que par théorie on ait anticipé que s'il y avait une binaire de trous noirs, voilà ce qui serait produit, mais est-ce que savoir que si A alors B suffit à affirmer que si B alors A? Là, c'est comme ça que la science marche, on fait des prédictions et puis on teste ces prédictions, donc là, c'est bien ça, mademoiselle a tout à fait raison, hein. C'est comme ça que ça s'est produit. Oui, c'est-à-dire qu'on a été capable de le prédire, de savoir. On fait des prédictions et puis après on voit si les observations, c'est vraiment comme ça que la science marche. Là vous pouvez regarder. Alors les prédictions sont page 5. Alors on va regarder les prédictions page 5. Donc c'est le diagramme de droite, hein, sur la page 5. Donc page 5, on regarde le diagramme de droite. Alors, ça, ce sont des années de calcul, hein, qui ont permis de. Donc on pourrait y revenir, mais. Donc vous commencez à voir les trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, et comme ils perdent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, eh bien ils vont se rapprocher, ils vont tourner de plus en plus vite. Alors on les voit très bien là, les trous noirs, hein, ce sont les boules là, qui sont en train de tourner. Voilà, c'est les dessins qui sont en haut, et c'est on ce qu'ils appellent une spirale. Voilà. Au début une spirale, et à la fin c'est ring down, le moment où on a la fusion entre les deux. Alors au début ils tournent l'un autour de l'autre et ils perdent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, qui sont celles qu'on va observer, et donc ils se rapprochent, et simplement par physique newtonienne, à ce moment-là, ils tournent de plus en plus vite. Il se trouve que la fréquence des ondes gravitationnelles est directement reliée à la fréquence de rotation, ce qui est d'une certaine façon normal, puisque c'est ce mouvement-là qui crée les ondes gravitationnelles. Alors ils vont se rapprocher énormément jusqu'à ce que leur trou noir se touche, et à ce moment-là vous avez le genre d'oscillation très rapide. Donc c'est l'oscillation rouge qu'on voit en dessous, la noire et rouge. C'est ce qui s'appelle merger en anglais, ce qui veut dire fusion. Alors on a de la chance parce que pendant des années on ne savait pas calculer ça. Les Américains dans la fin des années 90 ont créé un ce qu'ils appelaient le grand défi, the grand challenge. Et ont mis beaucoup de moyens pour essayer de calculer ça. Alors la raison pour laquelle c'est difficile, c'est qu'à ce moment-là vous avez les deux trous noirs qui sont très très près l'un de l'autre, et si vous avez vu le film Interstellar, vous avez vu que près de l'horizon d'un trou noir la gravitation devient très forte, et alors on ne sait plus calculer, en fait. Donc on est obligé de calculer ça de façon numérique, et pendant longtemps on était incapable de calculer ça de façon numérique, simplement parce qu'il fallait des ordinateurs beaucoup trop puissants par rapport à ce qu'on avait. Et puis en 2005, un premier physicien a commencé, avec un certain nombre de nouvelles méthodes théoriques, a commencé à montrer qu'il était capable de calculer ça. Et puis les ordinateurs avaient probablement augmenté en puissance. Et puis très vite, plein d'équipes dans le monde ont réussi à calculer donc les ondes prédites au moment de la fusion. Donc vous voyez les oscillations, les grandes oscillations rouges, là. Ouais. Et puis alors après, il n'y a plus qu'un trou noir, il y a eu fusion, mais son horizon est encore un peu complexe puisqu'il est formé des deux horizons, et donc il y a des oscillations, et on est capable de prédire ces oscillations-là. Et donc ça, c'est les petits zigouillis qui sont à la fin, là. Et puis à la fin, il n'y a plus qu'un trou noir avec un bel horizon bien régulier, et donc dans ce cas, le système n'émet plus d'ondes gravitationnelles. Alors voilà, donc ça c'est la prédiction, c'est des années de calcul, et vous voyez, donc avoir réussi à finalement ce grand défi, à le résoudre, et ça tombe bien parce que sinon on aurait moins de possibilités de le détecter, de comprendre. De comprendre. Alors maintenant, la page suivante, la page 6, vous avez le signal. Alors on va bien comprendre, ouais, page 6. Alors regardez d'abord à droite, puisque le signal a été vu par deux détecteurs. Parce que d'abord, LIGO est constitué de deux détecteurs, voilà, différents. Deux interféromètres, un en Louisiane, un dans l'état de Washington, à 3000 km de distance. Tous les deux ont vu le signal. Alors, tous les deux ont vu un signal. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'il y a en haut, le signal. Donc, vous avez à droite le premier signal qui est observé, c'est celui qui est en bleu. Et à gauche, celui qui est observé 7 millisecondes après, c'est en rouge. Alors, pourquoi 7 millisecondes? C'est parce qu'il y a une distance et la lumière met à peu près, si elle est horizontale, elle mettrait 10 millisecondes. Et là, bon, elle en met un tout petit peu moins, parce qu'elle est probablement arrivée un petit peu de biais. Alors vous voyez tout de suite, si vous comparez les deux, et en fait pour vous ils ont fait la comparaison, ils ont remis la courbe rouge sur la courbe bleue. Alors, c'est ce qu'on voit en haut à droite, hein. On a la superposition des deux courbes, donc de Livingstone et de Hanford. À 7 millisecondes, donc ils ont recalé ça à 7 millisecondes près. Et donc vous voyez pourquoi ils ont tout de suite compris qu'ils avaient quelque chose, ils tenaient sous la main un signal. Bon, après il y a eu plein de vérifications, puisque... Vous êtes à 3000 km de distance et vous voyez des signaux qui se superposent à peu près parfaitement. Il y a évidemment du bruit de détecteur. Du bruit, ça veut dire de l'imperfection. Oui, il y a plein de petites imperfections, des ondes sismiques, enfin toutes sortes de choses. Mais vous voyez que les oscillations se superposent parfaitement. Donc, ce n'est pas un camion qui passait à côté du site de Livingstone qui a créé ça. Ou alors, il y avait exactement un camion absolument identique qui passait à côté du site de Hanford. Mais vous rigolez, mais c'est vraiment le problème. Hein, sur ces détecteurs-là, oui, comme à LIGO ou Virgo près de Pise, s'il y a un camion qui passe à quelques kilomètres, on le sent et ça fiche tout en l'air. Alors maintenant, ce que vous regardez juste en dessous, ce sont les prédictions, mais cette fois-ci, elles sont un peu moins jolies, les prédictions, c'est un petit peu plus irrégulier, parce que ça, cette fois-ci, c'est les prédictions transformées dans les données pour le détecteur. Donc le détecteur, donc c'est pour ça que vous voyez des oscillations. Donc on est toujours à droite et au centre, voilà. C'est la grande courbe bleue. Voilà, c'est la grande courbe bleue ou la grande courbe rouge. Ce sont les prédictions dans le détecteur de Livingstone ou dans le détecteur de Hanford. Ah oui, à gauche, donc à vous voyez que effectivement, alors il y a du bruit dans le détecteur. C'est pas, il y a des petites perturbations en plus, mais on arrive à lire beaucoup de choses et c'est exactement ce qui, enfin, au bruit du détecteur près, c'est vraiment très très proche de ce qui a été prévu. Alors, ce qu'il faut être sûr, c'est que ça n'est pas une autre source, disons une source extérieure d'abord associée au détecteur. Le fait qu'on voit exactement le même signal dans deux détecteurs à 3000 km, je peux vous assurer que c'est quand même un... il faut vraiment se creuser pour arriver à trouver un signal qui ferait ça. Alors, une autre source cosmique, les sources cosmiques, on a fait tout un catalogue de sources cosmiques. Celle-ci n'était pas complètement attendue, c'est-à-dire que... si vous regardez les papiers jusqu'à cette découverte, on disait en gros qu'on s'attendait à des coalescences de trous noirs jusqu'à 15 masses solaires et qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'événements avec des masses supérieures. Donc ce n'est pas complètement attendu d'une certaine façon et c'est une surprise de voir des trous noirs à 30 masses solaires. On ne s'attendait pas à des trous noirs aussi massifs. Alors donc, on a déjà une première... Donc voilà, donc c'est... On a un premier étonnement, voilà, là, une voilà, première donc découverte voilà, avec oui, l'existence de masse solaire aussi premier étonnement. Mais donc, vous voyez que vous pouvez suivre toute l'histoire de la fusion. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ce qui est complètement fascinant, c'est que vous pouvez vraiment... rappelez-vous ce que je vous ai dit, ou revenez à la page 5. Vous pouvez voir les deux trous noirs qui s'approchent l'un de l'autre dans le signal. Vous pouvez voir le fameux signal de fusion et on peut espérer, alors c'est pas tout à fait clair effectivement et pour l'instant, mais on devrait pouvoir, quand ils vont avoir plus de précision sur la détection, sur les détecteurs, même voir les oscillations de l'horizon, les oscillations finales. Pour l'instant, c'est pas convaincant complètement puisque c'est dans de l'ordre du bruit de fond du détecteur. Alors mademoiselle avait donc tout à fait raison, elle avait tout compris, ou bien toute profane qu'elle se présente. Alors ce qu'il y a quand même d'autres mystères, c'est on a le signal de la fusion de deux trous noirs, mais comment dans ce signal êtes-vous capable de dire que l'un faisait 29 masses solaires et que l'autre 36? Alors, parce que normalement, le signal, il est mélangé. C'est l'ensemble des deux, là, que vous voyez. Non, non. Non, puisqu'on voit d'abord les deux trous noirs jusqu'à la fusion, on voit les deux trous noirs qui sont séparés. Donc c'est en analysant tout ce signal-là qu'on arrive alors non seulement à connaître les masses des deux trous noirs initiaux à des erreurs près, hein, bien sûr, puisqu'il y a du bruit, donc on dit 26 et 29 et 36, c'est à des incertitudes près, mais on arrive à mesurer ces masses, on arrive à mesurer la masse totale, la masse donc du trou noir final, ça c'est dans le signal de fusion. Et on arrive même à mesurer le moment angulaire, puisqu'en fait, un trou noir, on voit dans cet ensemble-là, on voit que le trou noir final est en fait un trou noir en rotation, ce qu'on appelle un trou noir de Kerr, et on arrive à mesurer le moment angulaire du trou noir. Donc en fait, on lit tout ça. Peut-être juste pour vous donner une indication. La masse totale de ce système, on l'obtient très très facilement, simplement en regardant la façon dont la fréquence, vous voyez que la fréquence du signal augmente quand on s'approche de la fusion. C'est ce qu'on appelle le phénomène de chirp, du gazouillement, c'est-à-dire que c'est comme si on transformait ça en onde sonore, ça ferait quelque chose du genre comme un gazouillis d'oiseau un petit peu. Et c'est juste en mesurant cette augmentation de fréquence qu'on arrive à savoir que la masse globale est de l'ordre de 60 fois la masse du Soleil. Oui, c'est ça. Dieu, que c'est troublant de voir Thibaut d'amour préparer sa gelée de veau avec amour. Quand il la remue dans sa cuisine le soir, l'espace d'un instant, moi je vois un trou noir. Merci. Dans l'enthousiasme des annonces, il a été dit qu'on observerait bientôt des fusions de trous noirs tous les mois, voire toutes les semaines ou tous les jours. Est-ce qu'il faut attendre l'ISA pour réussir à avoir une telle fréquence de détection, ou est-ce que Virgo et LIGO sont suffisants pour permettre, maintenant qu'on en a détecté une, enfin une fusion, d'en détecter d'autres, puisqu'on saura mieux régler les appareils? C'est encore moi qui réponds, désolé. En fait, les physiciens ont besoin... On dit souvent qu'avec deux points, les physiciens font une droite. Donc avec un seul événement, c'est difficile d'avoir un taux d'événement, en fait. Il faudra attendre un deuxième pour que nous fassions des prédictions. Alors... il y a un deuxième événement dans les papiers, mais qui est beaucoup moins marquant. Donc, pour l'instant, ce n'est pas considéré comme une découverte. Et donc, dans les premiers articles qui sont sortis, c'est quand même évoqué. Mais il faudra attendre d'avoir quelques événements pour identifier les populations, en fait. Donc, la fréquence des événements. Donc, voilà. Un deuxième événement pour se dire tous les combien on peut. Voilà, à mon avis, il faudra en attendre même un peu plus, 5-6, pour savoir exactement, avoir une idée des populations. Il y a des prédictions théoriques sur ces populations. Cet événement-là, il n'était pas prédit. Population, c'est donc, combien de fusions de trous noirs ou combien de trous noirs tournent autour les uns des autres. C'est ça. La question, c'est... On a une petite idée des systèmes binaires de trous noirs, mais oui, on a oublié de préciser le temps que ça dure dans le détecteur. Hein. Le temps que ça dure, c'est une demi-seconde. Le signal, c'est une demi-seconde. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a récupéré le signal... alors, évidemment, retardé de 1,3 milliard d'années, mais une demi-seconde avant le plongeon final. Alors, ça peut vous paraître une coïncidence, mais c'est simplement qu'il y a un événement. Donc, la question est de savoir combien il y a d'événements dans l'univers qui sont une demi-seconde avant le plongeon final. Et là, il y a des calculs qui ont été faits maintenant, qui ont une incertitude, on va dire, d'un facteur à peu près 10 à 100. Et donc, il va falloir attendre un petit peu plus pour voir combien d'événements ils ont. Et à ce moment-là, on pourra commencer à faire des prédictions sur les populations de trous noirs qui pourraient être vus dans ce cas-là. Justement, pour ce phénomène, si ce qu'on a enregistré durait une demi-seconde, c'est pas par hasard qu'on l'a enregistré. Je suppose qu'il a fallu étudier ce qu'on connaissait comme trou noir ou comme paire de trous noirs pour trouver à quel moment approximatif ou peut-être précis ça allait se produire. Ce qui veut dire que si jamais on n'en avait pas eu sous la main ou si ça s'était produit il y a 10 ans ou dans 10 ans, on n'aurait pas pu faire la découverte ces temps-ci. C'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'on met le détecteur en marche et puis on attend que, voilà, de voir des signaux. Donc effectivement celui-là on le reverra plus. Donc par exemple le détecteur Virgo qui ne fonctionnait pas, il ne verra pas, c'est passé. Maintenant il y a d'autres événements qui se produisent dans l'univers et donc ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est que les détecteurs fonctionnent au moment et ça va être un aspect important de la recherche dans l'espace, parce que c'est un petit peu plus compliqué dans l'espace d'être sûr que tout fonctionne bien au bon moment. Par contre, dans l'espace, les événements durent plus longtemps. Les coalescences de trous noirs, au lieu que ça dure, vous avez vu, une fraction de seconde, typiquement, dans la bande de fréquence de LISA et avec le genre d'événements qu'on imagine, ça dure plusieurs mois ou disons un mois à plusieurs mois. Donc là, ça donne un peu plus le temps de réagir et aussi de faire des prédictions, c'est-à-dire de dire, bah voilà, tel jour à telle heure, dans tel coin du ciel, il va y avoir une fusion de trous noirs. Donc ça, on peut le faire dans l'espace, on ne peut pas le faire au sol. Mais pour l'instant, on branche les détecteurs et puis on attend que ça arrive. Juste une petite question. Depuis quand le détecteur de LIGO était-il en fonctionnement ? Il venait juste... Alors, il était en fonctionnement depuis... alors attendez que je me rappelle bien, depuis 2005 je crois, donc pendant 4 ans les détecteurs ont été en fonctionnement, les deux détecteurs LIGO et le détecteur Virgo en Europe est le détecteur européen à Pise, près dans la banlieue, était en fonctionnement. Les taux d'événements attendus, disons qu'il fallait être optimiste, on était plutôt dans la fourchette optimiste si on détectait quelque chose. Donc on n'a rien détecté, ça veut dire donc que les populations d'événements étaient insuffisantes. Et donc c'est pour ça que les détecteurs américains et les détecteurs européens ont subi une phase de lifting, si je peux dire. Remise à niveau. En bon français, oui. De remise à niveau pour augmenter la sensibilité et donc pouvoir voir plus d'événements et aussi avoir une couverture plus importante dans le ciel. Et donc, le détecteur LIGO revenait juste de fonctionner. Après, c'est une phase d'à peu près un an, je crois, de mise à niveau. Refonctionnait avec une meilleure sensibilité. C'est pas la sensibilité finale, il va encore augmenter d'un facteur à peu près 3, donc il va être à peu près 3 fois plus sensible dans les mois qui viennent. Et le détecteur Virgo, par contre, le détecteur européen, n'était pas encore et ils sont toujours en train de travailler dessus, donc malheureusement il fonctionnait pas encore. Oui, effectivement, c'est dommage pour Virgo, mais je voulais juste rajouter que dans la collaboration, enfin dans l'article qui est sorti, il y a des gens de Virgo qui ont travaillé sur les données, puisque les données sont partagées en fait. Il y a eu un accord entre les interféromètres américains et l'interféromètre franco-italien. Et donc, il y a toute une série de scientifiques français en particulier qui ont interprété les signaux et qui sont cités dans l'article. Et inversement, quand Virgo fonctionnera, tout sera mis en réseau. Ça veut dire quand même que s'il y a un prix Nobel, il va plutôt aux Américains. Oui, il y a 1000 personnes, donc je ne sais pas à qui on va l'attribuer. Ah oui, ils vont avoir l'embarras du choix, là. Alors, on a parlé du fait qu'on allait pouvoir effectivement observer des trous noirs, des choses extraordinaires. Est-ce que, au moment du Big Bang, des ondes gravitationnelles n'ont pas été produites qu'on pourrait encore observer aujourd'hui ? Ce serait un moyen d'observer le Big Bang. Alors, on a déjà le rayonnement fossile, le flanc diffus cosmologique qu'on peut observer avec des satellites notamment. Alors effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des ondes gravitationnelles qui étaient produites au moment du Big Bang. Alors, on a un détecteur potentiel qui est le fond cosmologique lui-même, c'est-à-dire la lumière qui a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Donc, il faut voir que... C'est une lumière qu'on voit encore aujourd'hui avec certains détecteurs. Cette lumière qu'on voit et qui a été détectée, par exemple, par le satellite Planck récemment, dont les fluctuations ont été détectées par le satellite Planck et qui en a fait des très belles cartes. Alors... Cette lumière a été émise 380 000 ans après le Big Bang. Les ondes gravitationnelles, elles, comme toujours, elles ont été émises juste après le Big Bang. Et donc, elles peuvent passer à travers un univers complètement opaque. Elles laissent une marque dans le fond cosmologique. Elles polarisent le fond cosmologique. Et donc, c'est ce qui a été recherché activement. Et vous vous rappelez probablement qu'il y a 2 ans, une collaboration américaine pensait qu'elle avait trouvé cette polarisation du fond cosmologique qui serait une trace des ondes gravitationnelles tout à fait primordiale. Bon, il semble que ce soit probablement plutôt une polarisation due à la poussière interstellaire, donc voilà, c'est raté pour cette fois-ci. Il n'empêche que c'est un petit peu le Graal de cette recherche d'ondes gravitationnelles que de trouver ces ondes gravitationnelles très primordiales. Alors, la question, c'est est-ce qu'on avait un satellite pour voir le fond cosmologique, cette lumière qui a été émise il y a 380 000 ans après le Big Bang, et on voulait voir l'effet que les ondes gravitationnelles qui étaient émises au début du Big Bang, l'effet voilà. que ces ondes gravitationnelles avaient produites sur le fond cosmologique. Exactement. Mais maintenant, on a des détecteurs à ondes gravitationnelles. Alors, donc, est-ce qu'on pourrait pas voir directement ces ondes gravitationnelles produites alors, au moment du Big Bang ? À terme, on devrait les voir. La question est de savoir c'est si les détecteurs qu'on considère à l'heure actuelle sont assez sensibles. Dans le modèle standard de la cosmologie, on est encore à des sensibilité beaucoup trop bien insuffisante pour voir ce fond d'onde gravitationnelle primordiale. Maintenant, ça dépend un petit peu de l'histoire de l'univers. Et donc, si l'histoire de l'univers n'est pas exactement ce qu'on pense dans le modèle, je dirais, standard cosmologique, on pourrait les voir avec LIGO ou avec Virgo ou avec LISA. Donc, c'est aussi quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'on verrait là ? On aurait un signal qui viendrait d'une seconde après le Big Bang, hein ? Oui, oh oui, oui, 10 moins 34 secondes. 10 puissance moins 34 secondes après le Big Bang. Donc on est tout près du Big Bang lui-même. C'est là que des ondes gravitationnelles ont été produites. C'est au moment de l'inflation, hein, une période très particulière du Big Bang. Qu'est-ce qu'on verrait ? Et on verrait un fond d'onde gravitationnelle. Ouais. C'est-à-dire non pas parce des que là, vous êtes capable, avec des ondes gravitationnelles, de nous dire eh ben, il y avait 2 trous noirs, il y en avait un 29 masse solaire, l'autre 36, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Alors, on verrait un fond d'onde gravitationnelle, c'est-à-dire non plus une onde qui vient d'une source ponctuelle, mais cette fois-ci, un fond, comme le fond cosmologique, ça sera cette fois-ci un fond cosmologique d'onde gravitationnelle qui remplirait tout l'univers, qui serait dans toutes les directions. Alors, ça peut être un fond qui vient de cette période-là, ou ça peut être un fond qui vient de périodes très primordiales, mais moins primordiales que le Big Bang, comme par exemple le moment où, on va faire le lien avec la physique des particules, ce qu'on appelle la transition de phase électrofaible, c'est-à-dire au moment où les particules ont eu une masse. Ce moment-là, s'il s'est passé quelque chose de violent à ce moment-là, eh bien, on le verrait dans la fenêtre du détecteur spatial de LISA. Donc, d'une certaine façon, LISA, c'est l'équivalent du LHC, mais dans... Alors, le voir, d'accord, mais voir quoi ? C'est quoi le détail ? Vous allez avoir accès à des paramètres qu'on ne connaît pas aujourd'hui On va voir donc des fluctuations... Enfin, on va voir un fond cosmologique, c'est-à-dire un fond d'onde gravitationnelle, comme on voit un fond infrarouge, un fond... micro-ondes et après on essaiera évidemment d'étudier ses propriétés, comment est-ce que ce fond d'onde dépend de la fréquence, c'est comme ça qu'on peut essayer d'identifier son origine cosmologique, mais ce fond sera dans toutes les directions, c'est comme ça généralement qu'on découvre, c'est comme ça qu'on a découvert le fond cosmologique micro-ondes, c'est qu'on a vu une émission micro-ondes qui était dans tout le ciel et qui était identique dans tout le ciel. Donc c'est exactement comme ça qu'on verrait un fond d'onde gravitationnelle. Ça, c'était le Big Bang, je crois. Monsieur. Bonsoir, j'aimerais savoir si les ondes gravitationnelles permettraient d'avoir une idée de la topologie de l'univers. ce que ça pourrait donner, nous indiquer quelle est la forme géométrique. Ou... Donc là, ce qu'on appelle la géométrie de l'espace-temps, c'est ça ? C'est la même chose pour vous ? La forme de l'univers. Pierre Ménétruy, elle est pour vous. Bonne chance. Je ferai plus confiance à la lumière, d'une certaine façon. C'est-à-dire de voir, pour l'instant, après, quand on... mais on n'en est qu'au début du je suis en train de réfléchir si on a... mais je pense qu'effectivement, la topologie de l'univers... on a tendance à essayer d'observer des sources ponctuelles et de voir que, par exemple, il y a deux sources ponctuelles qui ont exactement les mêmes propriétés. Comme on n'est qu'au balbutiement de l'astrophysique des ondes gravitationnelles, je ferais pour l'instant plus confiance à la lumière pour avoir des informations sur la topologie. Mais je suis sûr qu'on va réfléchir à cette question-là. Et... J'aurais deux questions, une très terre-à-terre et une un peu moins. La première question, c'est, pour se donner une idée, les lasers qui servent d'interféromètre sur Terre, quelle est leur dimension ? Puisque vous avez parlé des dimensions de l'interféromètre dans l'espace prochain. Et la deuxième question, donc la longueur du laser qui sert d'interféromètre. Et la deuxième question, c'est par rapport à ces ondes gravitationnelles, est-ce qu'elles perdent de l'énergie et comment quand on fait l'analogie avec une pierre dans l'eau, il y a de l'énergie qui est perdue par frottement et par la distance, puisque sur une surface, ça va être au carré, dans un volume, ça va être au cube. Est-ce que les ondes gravitationnelles perdent de l'énergie au-delà de du volume et comment ? Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord, et puis je laisse peut-être Sylvie parler alors, elle diminue en intensité, effectivement, ces ondes gravitationnelles, simplement comme l'inverse de la distance, donc moins rapidement que des ondes électromagnétiques qui se répercutent sur une surface et qui varient comme l'inverse de la distance au carré. Donc ça diminue. C'est aussi pour ça que les interféromètres terrestres qui ont une certaine sensibilité ne voient que jusqu'à une certaine distance, en gros 200 mégaparsec pour les sources les plus communes. C'est parce que effectivement, quand on s'éloigne, l'amplitude de l'onde, c'est-à-dire en fait l'amplitude du déplacement, donc va diminuer. Par contre, elle ne perd pas d'énergie, c'est important que l'énergie se répercute sur une plus grande région, et donc elle ne s'atténue pas par contre. Donc à part cet effet en l'inverse de la distance, il n'y a pas de l'équivalent des frottements, etc., comme il peut y avoir sur les ondes à la surface d'un liquide, où très vite ça va s'atténuer, en partie aussi parce qu'il y a le frottement liquide associé à la force de cohésion du liquide. Ici, ça ne perd quasiment pas d'énergie. Elle se répartit sur une plus grande, évidemment, un plus grand volume, mais ça ne perd pas d'énergie. Il n'y a pas de dissipation. C'est pour ça qu'elles arrivent en ayant toujours encodé en elles toute l'information du départ, en fait. Et sur la première question, alors la longueur des bras de LIGO, Virgo. Donc pour les interféromètres au sol, la longueur est de l'ordre de quelques kilomètres. Donc je pense que c'est 4-5 kilomètres. Mais on peut faire des renvois du faisceau dans des cavités, sur des miroirs qui sont face à face. Donc ça rallonge la longueur du bras de cette façon. Mais on est de toute façon limité de par la configuration de cet interféromètre sur Terre et des mouvements qu'il peut y avoir au sol. Par ailleurs, il faut mettre les faisceaux sous vide. Donc on va avoir On peut regarder page 4 peut-être, parce que là on voit les détecteurs de Hanford et de Livingston. Oui, donc là vous voyez les deux bras, donc avec la partie centrale à l'intersection de ces deux bras. Donc le laser va émettre dans les deux directions et va être réfléchi de chaque côté et revenir au centre, et on va superposer donc pour avoir les interférences, les faisceaux qui se recombinent au centre. Et donc cette longueur fait plusieurs kilomètres, et là aussi il doit y avoir donc des cavités à un endroit sur le faisceau qui permettent de rallonger la longueur. Et on voit des tubes qui sont donc des tubes mis sous vide pour éviter toutes les perturbations. Donc là aussi, c'est assez complexe de maintenir le vide sur des longueurs si longues. Et on a l'échelle de ces tubes. En haut à gauche, on voit des voitures à côté du tube. Donc on peut se tenir tout à fait debout. Moi, je suis allé à Pise, à Virgo, et on peut y circuler à vélo, même dans ces tubes. Et donc là, les miroirs, en fait, les faisceaux se réfléchissent sur des miroirs qui aussi doivent être isolés. Donc ils sont suspendus sur de grands pendules avec plusieurs niveaux d'atténuation. Donc c'est isoler des vibrations. Isoler des vibrations, ouais. De différentes sources de vibrations. Et c'est là qu'il y a eu des améliorations en particulier pour augmenter la sensibilité. Donc de temps en temps, on arrête l'interféromètre, on améliore les choses, le miroir et d'autres éléments. Et c'est vrai que sur Virgo, c'est dommage, il y a eu une course. Virgo va redémarrer dans le courant de l'année, là, vers le mois de septembre. Et on espère aussi qu'il y aura ce genre de détection miraculeuse. Peut-être un complément sur la taille des détecteurs, parce qu'en fait, c'est directement relié à la taille du site cosmique qui crée les ondes gravitationnelles. Je vais reprendre juste l'exemple de la pierre que vous envoyez dans une mare. Réfléchissez deux secondes imaginez que vous faites ça. La distance entre deux crêtes de vagues, les vagues que ça va créer, est à peu près de la taille de la pierre. Si vous envoyez un petit gravier, vous allez avoir des vaguelettes qui ont ce qu'on appelle la longueur d'onde, est directement reliée à la taille de la déformation, donc la taille de la pierre. Et maintenant, si vous voulez détecter ces vagues, eh bien, vous allez avoir nécessairement un détecteur qui ne doit pas être trop petit par rapport à la taille des vagues, cette longueur d'onde, ni trop grand, parce que s'il est trop grand, vous n'allez rien voir. S'il est trop petit, vous n'allez rien voir non plus. Donc ça veut dire, en gros, si vous reprenez cet exemple juste de jeter une pierre dans l'eau, eh bien, le détecteur doit être de l'ordre de la taille de la pierre que vous avez lancée. Bah, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que les détecteurs terrestres vont typiquement détecter des sources d'ondes gravitationnelles dans des sites cosmiques qui sont de l'ordre de quelques milliers de kilomètres. Alors en fait, ils se débrouillent, ils n'ont pas besoin de ces milliers de kilomètres parce qu'ils font refaire le faisceau, comme l'explique Sylvie, fait des allers-retours. Et au contraire, les sites cosmiques qui correspondent au détecteur spatial sont plutôt des sites cosmiques de quelques millions ou quelques dizaines de millions de kilomètres. Et donc, vous voyez pourquoi ça correspond vraiment à des événements très différents en fait. Donc vous disiez, au téléphone, vous me disiez, voilà, on a besoin pour détecter des vaguelettes, on a besoin d'avoir un tout petit flotteur sur la mer. Si vous avez un gros flotteur, il ne verra rien du tout. Et à l'inverse, si vous voulez détecter une énorme mais vague qui se propage extraordinairement lentement, là, si vous avez un tout petit flotteur, il ne va rien voir non plus. Exactement. Donc voilà, ça veut bien dire quand même qu'on a des petits détecteurs au sol et de grands détecteurs dans l'espace. Ça veut dire que les deux sont complémentaires, c'est-à-dire qu'avec les petits détecteurs au sol, on va avoir un certain type d'événement événements qui sont des petits événements et que les grands détecteurs dans l'espace vont voir des grands événements. Ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire que par exemple au point de vue fusion de trous noirs, les petits événements c'est des mauviettes de trous noirs de 30 masses solaires, les grands événements c'est des trous noirs de quelques millions, quelques dizaines de millions de masses solaires. Donc on a dit tout à l'heure l'énergie qui est déjà développée dans un simplement une fusion de trous noirs d'une trentaine de masses solaires, donc vous imaginez l'énergie qui est émise dans la fusion de deux trous noirs qui sont au centre des galaxies. Est-ce qu'on peut s'intéresser une seconde à LISA Pathfinder? Donc c'est quand même lui qui a été lancé en décembre dernier et puis qui donne le titre de notre Mardi d'espace. On n'en a encore quasiment pas parlé. Je voudrais qu'on le voit là en première page. Voilà, une bien belle image. Et puis on va entrer à l'intérieur, si vous voulez, en regardant directement en page 2. On va aller en page 2. Alors, on avait parlé de deux masselottes, là. On les voit, les deux petites masselottes. Si on regarde à gauche, ce sont les deux espèces de cubes dorés, n'est-ce pas? Ils sont à la fois en or, en platine. Les cubes font 4,6 cm. 4,6 cm de côté, c'est tout petit en réalité. On les voit aussi à droite, là, dans cette espèce d'écorché de la... J'aime bien la photo de droite, en fait, parce que les masses, vous pouvez les repérer. Donc, vous voyez à peu près tout ce qui est construit autour de ces masses pour les isoler. Les masses font à peu près 4 cm. Et tout le reste du satellite est là pour protéger ces masses. Donc il y a différentes parties. Donc les deux masses doivent être en chute libre, donc elles sont placées dans une cage qu'on voit à gauche, qui est une cage avec des forces électrostatiques qui va permettre de les maintenir, de les positionner. Elles sont aussi dans une enceinte à vide qui est construite autour de cette cage. Et donc il va y avoir un moment, d'ailleurs c'est déjà fait dans la mission LISA Pathfinder, où on va ouvrir au vide. En fait, il y a un branchement sur le vide spatial. Et aujourd'hui, ces masses ont été lâchées. Donc elles sont tenues, on ne le voit pas sur le dessin. Attendez, vous dites ça comme ça. Attendez, aujourd'hui, comme vous dites aujourd'hui, c'est... C'est vraiment aujourd'hui. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces masses, on a compris, elles sont extraordinairement fines, elles ont une masse extrêmement précise, c'est à la fois de l'or et du platine. Il ne faut pas que ce soit des masses qui se magnétisent facilement, parce que sinon, elles vont être attirées. Enfin bref, tout ça est extrêmement précis. Et puis évidemment, au décollage, tout ça, ça vibre énormément. Alors, il fallait les maintenir. Hein, il fallait les maintenir, ces masses. Oui, d'ailleurs, donc, il y a tout un système. Ça a l'air très simple, mais ouais. En fait, ça a posé des problèmes mécaniques. Donc, ces masses doivent supporter des chocs au lancement qui sont assez importants. Donc, elles sont tenues aux quatre coins par des petits picots. Et elles sont également tenues au centre. On voit un tout petit trou dans la masse au centre d'une face. Il y a la même chose de l'autre côté. Et donc, il y a eu une première étape qui était de séparer les huit petites pointes aux huit coins des cubes. Ouais. Alors ça a été après le lancement. Après le lancement s'est bien passé. Et là, il fallait lâcher les masses, hein, c'est ça. Donc, ça, c'est pas tout à fait après le lancement parce que... Il y a une trajectoire compliquée. ça aussi, c'était une première, en fait, où on a remonté... On va reparler de la trajectoire après, mais restons avec nos petites masses. Donc on a bien compris que... Au lancement, elles sont fixées. Elles sont tenues. Il faut absolument... Une fois que le lancement est terminé, on est dans l'espace, on est en croisière, tout va bien. Là... Voilà, une fois qu'on sépare cette espèce de gros module qu'on voit, qui est le module de propulsion qui a permis de les amener au point considéré, et ensuite on les lâche le plus doucement possible. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors aujourd'hui, aujourd'hui 16 février. Voilà, on a lâché la deuxième partie qui est les deux pointes sur une face et sur la face opposée. Et ça, c'était compliqué ? Et on a maintenu par les forces électrostatiques la masse à l'intérieur de la cavité. Donc ça y est, effectivement, aujourd'hui. Les masses sont bien positionnées. Les masses sont vraiment bien positionnées. Et c'est ça qui était extrêmement compliqué, Sylvie Léon ? Ben, on avait des craintes parce que dans le développement, effectivement, il y a eu des problèmes techniques. Et donc, c'était un des points durs de la mission, même le plus gros. Tu as bien détruit. Je peux peut-être raconter ce qui s'est passé parce que ça vous montre comment une mission spatiale se passe et pas toujours... Le problème était celui-là. Comment il faut fixer les masses pendant le décollage et après les relâcher. Mais il faut le fixer très fortement. Et alors, comment est-ce que vous faites une fois que vous êtes dans l'espace pour relâcher les masses, sachant que si vous les avez fortement fixées, eh bien, il y a une adhérence. Et donc, vous n'êtes pas là pour tirer dessus. Et puis, rappelez-vous que tout ça, après, était ultra délicat. Ça a été un problème insoluble pendant longtemps. C'est-à-dire que la mission a pris du retard, principalement à cause de ça. Combien de retard ? Alors, je ne sais plus. Il y a les membres de l'équipe LISA Pathfinder qui sont là. Attendez, je me rappelle bien, c'est un ou deux ans. Ils sont là depuis le début. Oui. Ils n'ont pas eu la parole. Voilà, donc on leur donne la parole juste pour qu'ils nous disent de combien de temps ils ont eu de retard. C'est pas très sympa, ça, Pierre Vinotruy, excusez-moi. Non, parce que justement, c'est ça qu'ils font. C'est pour ça qu'on a fait une mission technologique. C'est le signe de leur excellence. C'est justement ça. Ils ont réussi. Et je peux vous dire que normalement la mission était une mission NASA-ESA. La NASA aurait dû envoyer un module absolument identique à celui-ci. La NASA n'a jamais réussi à résoudre ce problème-là. Ils se sont dégonflés. Voilà. Non, c'est pour rien. Je vais vous expliquer le dernier mécanisme juste pour vous montrer que souvent les missions sont bloquées par des choses beaucoup plus simples que ce qu'on imagine. Les Américains ont effectivement, dans la dernière version de ce mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'encagement, KG mechanism, ils avaient donc leur masque qui était avec deux doigts qui pointaient de chaque côté, mais la masse n'était pas complètement fixée. Donc quand ils ont mis ça au test à vibration, ce qui s'est passé, c'est que la masse s'est mise à bouger, et par une relativité qui n'a rien à voir avec la relativité générale, si vous avez une masse qui bouge à côté d'un pivot, c'est exactement comme si le pivot bougeait en face de la masse, ça s'appelle une perceuse. Et donc quand ils ont ressorti le truc, eh bien la masse était traversée par le pivot qui devait la tenir. D'accord. Donc voilà le genre de problème auquel on a à faire face. Et pendant longtemps, il y a eu un doute sur la capacité de réaliser ce mécanisme. C'est de la pure ingénierie, mais c'est souvent là-dessus que les missions se cassent. Donc, alors, peut-être en dire plus. Comment s'appelle le monsieur ? Éric Plagnol. Éric qui est le responsable français de l'ISA Pathfinder. Ah, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur. Vouliez-nous... Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée ce matin. En fait, les masses, il y a deux masses, et la première masse a été libérée hier, à 8h du matin. Ça s'est passé très très bien. Et en une seule opération, la masse a été libérée. Et ce qui se passe, c'est que ces deux doigts dont on a parlé, il y a quand même une petite adhérence résiduelle. Et à ce moment-là, les forces électrostatiques sont là pour freiner la vitesse qui est donnée par cette adhérence. Tout s'est bien passé, on était extrêmement contents. Et la deuxième masse devait être libérée ce matin à 8h. Alors nous, on est à Paris, mais les opérations sont en ce moment à Darmstadt en Allemagne. Et on a bien senti qu'à 8h, 8h30, 9h, ça ne se passait pas très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont libéré la masse, le mécanisme est strictement le même que la première, mais... l'adhérence devait être un peu différente. Ils n'ont pas réussi à libérer la masse avec la vitesse minimum qu'il fallait. Donc ils ont été obligés de reprendre la masse avec ses deux doigts, de réfléchir à une stratégie un tout petit peu différente de ce qu'ils avaient avant. Et c'est au deuxième essai que finalement, à midi, à 11h20, la deuxième masse a été libérée. Donc on est passé par des moments un peu délicats, mais finalement, à 11h20, midi, on était rassurés, les deux masses étaient libérées. Bravo, je crois que ça s'applaudit. Alors, une autre intervention. Bonjour, j'ai des questions simples. Je n'ai pas très compris la page 7, parce que j'ai très mal compris la relativité. Merci. Concernant l'onde gravitationnelle, sur image 7, ça me donne la sensation que une masse seule peut aussi générer des ondes gravitationnelles. Pendant toute la conférence, on a parlé des ondes qui sont générées par un étoile binaire. Et aussi, j'ai mal à comprendre la courbure de temps. Merci de m'expliquer un peu. Merci. On va reprendre quelques instants avec vous, Pierre Binetruy, juste là-dessus. Donc, on peut dire que l'onde gravitationnelle, elle est produite par un corps qui est en accélération. Oui, alors, donc un petit cours de relativité générale. Comment dire les choses ? Pour avoir un signal de courbure, il faut être dans deux points différents. C'est-à-dire que si vous êtes en un point de l'espace-temps, vous ne verrez pas la courbure. C'est comme si tout était plat. C'est-à-dire que même si vous êtes dans la montagne, si vous regardez juste à vos pieds, vous n'allez pas savoir que vous êtes à la montagne. Il faut aller regarder un point un peu plus loin. Donc il faut deux points pour faire une courbure, si je peux dire. Enfin, pour identifier que vous êtes dans un espace courbe. Alors maintenant, effectivement, qu'est-ce qui se passe si vous avez une masse qui est complètement sphérique ? Alors, vous avez peut-être vu en physique que quand vous avez quelque chose de complètement sphérique, on va imaginer que la Terre est complètement sphérique, tout se passe comme si toute la masse était au centre. Donc, quelque chose de complètement sphérique ne va pas émettre d'onde gravitationnelle parce que tout se passe comme si tout était en un seul point. Et il faut au moins... deux points pour engendrer de la courbure. Donc c'est un petit peu ça la distinction, c'est que en fait il faut des corps massifs et des corps qui n'ont pas une symétrie sphérique. Donc par exemple deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, ça émet des ondes gravitationnelles. une explosion de supernova qui serait complètement sphérique. C'est comme si toute la masse était, quand vous êtes loin de là, de ça, c'est comme si toute la masse était au centre. Donc il n'y a plus qu'un point, et un seul point n'émet pas d'onde gravitationnelle. Par contre, une explosion de supernova qui serait asymétrique, elle émet des ondes gravitationnelles. Alors, je ne sais pas si ça a été très clair, mais le point qu'il faut retenir, c'est que pour voir un effet de courbure, il faut au moins deux points. Et rappelez-vous l'exemple que je prenais de la montagne. Si vous êtes juste, regardez vos pieds, vous ne savez pas si vous êtes dans la montagne ou pas dans la montagne. Je ne sais pas si ça a clarifié les choses. Oui, je voulais savoir s'il était possible que des ondes gravitationnelles se superposent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça pose comme problème pour les détecteurs, en particulier pour l'ISA ? Oh là, oui, c'est la grande question. Et c'est en ça que c'est différent. Les interféromètres terrestres et les interféromètres spatiaux. Un interféromètre terrestre voit relativement peu d'événements. Bon, pour l'instant, ils en ont vu un, simplement parce que la sensibilité, ils ne regardent que des événements dans une région importante, mais encore une région limitée de notre univers. Un interféromètre tel que LISA va observer des événements dans tout l'univers observable. Donc tout ça se superpose. Et donc c'est un problème, c'est un problème très intéressant. C'est exactement comme si vous parliez tous dans cette pièce et qu'on essaye de reconstruire les conversations de tout le monde. Alors comment est-ce qu'on ferait ça? Eh bien, on commencerait par identifier celui qui, ou celle qui parle le plus fort. Là, c'est vous là. Ouais, voilà, c'est moi. Donc voilà, donc on va prendre donc ce que je dis. Ensuite, on va le soustraire. Parce que, et puis ainsi de suite, et de plus en plus on va aller vers, et à la fin on espère avoir la personne qui parle le plus doucement. Là, c'est exactement comme ça, c'est-à-dire que on va commencer par observer les signaux les plus importants, donc on va identifier la source. Par exemple, une collision de trous noirs supermassifs, ça donne un événement qui domine à peu près tout. Donc on va identifier ça, alors ça dure quelques mois, on va le soustraire, et puis après on va comme ça aller vers des sources de plus en plus, qui émettent de moins en moins fort si vous voulez, et on a, alors c'est, pendant longtemps on disait mais c'est pas possible, etc. Et donc on a fait ce qu'on appelle des data challenge, des défis d'analyse des données, où on a simulé des données, des millions de sources, et puis on a demandé à la communauté d'identifier les sources, donc d'identifier les gens qui parlaient, si vous voulez, et ça a marché relativement bien, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver l'essentiel des sources qui étaient simulées. Alors c'est comme ça que ça va se passer dans la vie réelle, si je peux dire. On va comme ça, et c'est pour ça que dans le cadre de la mission LISA, le traitement des données va se faire de la façon suivante. On a étudié ça avec le CNES, Sylvie pour en parler, parce qu'on a fait une étude, ce qu'on appelle de phase zéro du centre de traitement de données, parce que là c'est la France qui devrait s'occuper du centre de traitement de données pour LISA. Eh bien, on reprocesse les données à peu près toutes les semaines, puisque en fait, même si vous avez identifié la source la plus brillante, la semaine suivante, vous allez peut-être avoir un peu plus d'informations, et donc vous allez, parce que plus vous faites des erreurs sur la source la plus brillante, plus vous allez commencer à faire des erreurs sur les sources moins brillantes, et donc on va reprocesser les données toutes les semaines en fait. Comment relâcher les masses dans l'espace? Comment sauver notre face sans que ça casse? Faut pas faire comme la NASA, une perceuse. La masse dans LISA n'est pas une dent creuse. Ah oui. Oui, juste une petite question technique. Si j'ai bien compris, pour LISA, on va avoir des rayons laser sur 5 millions de kilomètres. Quelle va être la divergence à l'arrivée? Même si le rayon est très cohérent au début, au bout de 5 millions de kilomètres, ça doit faire une grosse tâche. Est-ce que ça n'affecte pas vos mesures ? Tout à fait. Même si vous avez un rayon laser ultra collimé, 5 millions de kilomètres plus loin, il a, je crois, une diamètre d'à peu près 20 kilomètres. Ah, 20 kilomètres. Donc le dessin est légèrement trompeur. Donc, donc c'est une vue d'artiste. Donc ça pose un problème, c'est qu'à ce moment-là, si vous... Donc on ne l'avait pas évoqué jusqu'à maintenant, mais si vous reflétez ça, ça va rediverger encore, et donc il ne va pas vous rester beaucoup de photons quand ils reviennent après avoir fait un aller-retour de donc 10 millions de kilomètres. Alors en fait, c'est pour ça que dans la mission LISA, on récupère l'onde avec, donc qui s'est beaucoup donc étalée, si on peut dire, on récupère le fond d'onde, et en fait on ne va pas la réfléchir, on va réémettre une onde qui a une phase qui est bloquée sur la phase de l'onde reçue. Et donc c'est un nouveau faisceau laser qu'on envoie en sens inverse, mais dont la phase est telle que elle est exactement que c'est une copie conforme, on va dire, de l'onde lumineuse que vous avez reçue à cause de ce phénomène-là. Alors on va bientôt se quitter. J'aimerais bien qu'on dise d'un mot du rôle du CNES, Sylvie Léon, dans toute cette aventure, dans l'avenir de LISA. Quel est le rôle du CNES? Qu'est-ce que vous faites, vous, le CNES, pour que ça advienne, ce LISA qu'on attend? Parce que la décision n'est pas prise, hein, il n'y a pas encore d'argent pour faire LISA. Voilà, donc le CNES, donc l'agence spatiale, il n'y a pas de labo de recherche. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à la communauté scientifique nationale par des appels à propositions, les scientifiques répondent. Donc LISA est née d'une proposition d'il y a 20 ans, pratiquement. Et pour ces missions-là, cette mission est d'une taille considérable, donc elle ne peut se faire qu'au niveau plus européen. Plus d'un milliard d'euros. Oui, c'est proportionnel au nombre de kilomètres du bras. Donc ça se fait dans le cadre de l'Agence spatiale européenne, qui réunit un certain nombre d'États membres. Et le CNES est le représentant de la France à l'Agence spatiale européenne. Donc on participe aux décisions, on finance dans le budget de l'ESA et on est concerné par les priorités du programme scientifique. Donc on a un avis à donner à ce niveau-là. Et donc l'ESA fabrique le satellite et demande aux États membres de fournir la charge utile. La charge utile, c'est-à-dire donc, ce qui va faire utile, la science. La charge utile, c'est les morceaux d'instruments que vous avez vus sur ces figures. Le laser, voilà. Les masselottes, etc. Voilà, donc là, il faut discuter avec les agences des autres pays qui ont l'intention de participer pour faire un partage. Donc sur l'ISA, c'est déjà presque fait. Ça va être rediscuté prochainement. Donc la France serait le centre de traitement de données, a priori. Alors voilà, donc a priori, sur LISA Pathfinder, on est intervenu assez tard, donc on participe. Restons sur LISA, LISA. Mais ce serait le centre de traitement de données. C'est juste pour dire qu'on n'a pas fait beaucoup d'instrumentation dans LISA Pathfinder, d'accord. Donc effectivement, dans LISA, on va se positionner sur le centre de traitement des données. Et aussi sur l'intégration de la charge utile, hein, d'après. Rien n'est décidé, d'accord, encore, mais sur le parti traitement des données, on a déjà fait ce que Pierre a appelé une phase zéro, c'est-à-dire une étude en fait pour dimensionner ce que représente cette contribution. Et ça a été fait au Centre technique de Toulouse, qui a déjà une grande expérience en fait du traitement des données. Puisque sur la mission Gaïa d'astrométrie, le CNES est très impliqué dans le traitement des données. Donc on a fait un peu le même genre d'exercice et on a proposé à l'ESA justement d'être sur cette partie-là de la mission. Bon, après, tout va se discuter, donc pour le moment, rien n'est figé, mais on sait déjà que les Allemands vont faire le phasemètre qui permet de mesurer la phase, de renvoyer le faisceau. Déjà, certains éléments sont distribués, et d'après les résultats qu'on va avoir de LISA Pathfinder, ça va rester sur la même contribution. Le système inertiel, c'est fait par les Italiens, la partie optique par les Allemands, et le traitement des données par les Français. Peut-être en complément, le traitement des données, c'est le cœur de la mission, parce que c'est là où... Donc la France n'aura pas le traitement des données s'il ne fait pas quelque chose de plus technique, évidemment. Je veux dire, parce que c'est clair qu'on ne va pas nous laisser le traitement des données si on ne faisait que le traitement des données. D'accord. Je précise bien, quand même. Pour vous, c'est le cœur de la mission, c'est le traitement des données. Bah oui, parce que c'est ça qui donne les résultats scientifiques. Donc, ouais. La France a réussi à récupérer ce morceau-là, parce que les autres avaient leurs mains pleines, si je peux dire, d'autres choses. Mais évidemment, il faut qu'on ait un rôle technique, sinon c'est d'autres qui s'en chargeront. Après, il va y avoir une discussion. Il faut monter un dossier qu'on doit faire accepter. Donc il y a effectivement l'intérêt scientifique il va y avoir peut-être d'autres contraintes après sur enfin, la façon de faire les choses, la faisabilité, le budget, etc. Donc nous, responsables de programme, on est un peu au cœur de cet ensemble où on doit faire des compromis, chercher comment faire passer les choses au mieux. Et on est dans cette phase de discussion, en fait. Donc, comme le dit Pierre, on espère faire donc, le traitement des données et l'intégration de tous les instruments qui seront fournis, ce qui permettra d'avoir une vue sur l'ensemble des performances du système. Elisa, Elisa, Elisa, c'est un programme fou, Elisa. Elisa, Elisa, pour que toi, moi, nous puissions découvrir enfin de l'univers les confins. Ouvre tes gigantesques bras, Elisa, Elisa. J'avais juste une question pour Sylvie. Comment le CNES a vécu la découverte des ondes gravitationnelles? Quelle était l'atmosphère? Quelles étaient les remarques que vos collègues vous ont faites? Il y a eu une grande excitation, effectivement. Donc, on a retransmis toutes les conférences de presse de tous les sites, la NSF, le CNRS. On a fait de la com comme on a pu, donc sur le site du CNES. Et aujourd'hui... Et donc, il y a des gens ici qui y ont participé. Et on a eu aujourd'hui... Alors, c'est toujours avec les scientifiques, en fait, que l'excitation naît, puisque ce sont eux qui sont à l'origine des projets. Nous, on les réalise. On souffre de tas de difficultés, bassement matérielles, comme on a pu le dire tout à l'heure, qui sont moins nobles que les résultats qu'on peut trouver. Donc, aujourd'hui, par exemple, on avait une réunion avec un groupe de scientifiques et on a parlé une bonne partie de l'après-midi de l'intérêt de cette découverte des ondes gravitationnelles. Donc c'est sûr qu'on sent bien que c'est quelque chose de très important. Comment est-ce que vous voyez, ce sera ma dernière question, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'ISA? Parce que là, dans l'agenda de l'Agence spatiale européenne, c'est prévu pour dans 18 ans. Ça me paraît long, personnellement. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ça. Est-ce qu'on pourrait pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réduire un peu de réduire le temps, vous voyez? Oui, une petite onde gravitationnelle. Un effet relativiste. Voilà, un effet relativiste, s'il vous plaît. Bon, donc là, tout ça va se discuter. Il y a quelqu'un qui a dit, ça n'existe pas, le temps. Bon, il y a déjà des choses qui sont prévues. Donc, cette mission qui va tester les technologies clés, en fait. Celles qu'on ne peut pas... LISA Pathfinder. Non, mais voilà. Je parle de LISA. Est-ce celles qu'on ne peut pas... Oui, mais il y a des étapes. Hein, dans un projet, il faut bien respecter. Il y a des phases... À 18 ans, c'est long, quand même. Il y a des revues. Il y a des... Donc, tout est très normé. Et donc, c'est un problème d'argent? Non, pas du tout. C'est un problème technique, essentiellement. Moi, j'ai cru entendre. Attendez. Pierre Binetruy, il n'est pas d'accord. Alors, allez-y, Pierre Binetruy, un petit mot. Non, là, il y a une nécessité, tout d'abord, d'être sûr que c'est faisable. D'accord. Ça, on va le voir avec l'ESA Pathfinder. Ça, on a la réponse dans 6 mois. Non, mais en parallèle, l'ESA a bien compris, on parlait du CNES, mais l'ESA a bien compris l'importance de cette découverte aussi. Donc, en parallèle, il y a, sur les autres éléments dont on n'a pas parlé, la stabilité du laser, etc. Il y a un programme de R&T qui est lancé déjà cette année, avec des industriels, par exemple, savoir comment industrialiser les choses. Là, on ne fait pas une expérience de laboratoire, on fait quelque chose qu'on va lancer dans l'espace, dans un milieu très hostile, avec des conditions extrêmes, et qui va durer un certain nombre d'années sans qu'on puisse intervenir. Donc, c'est vraiment au niveau industriel quelque chose de très compliqué. Donc, c'est là qu'il faut des phases d'études. Et ces phases d'études ne peuvent pas être comprimées. Sinon, on va se retrouver devant des difficultés ultérieures. Alors, Pierre Binetruy va vous expliquer comment on fait. Non. Je vais être moins politiquement correct que... voilà, c'est ça. D'accord, c'est que Sylvie. Non, je crois que la date de 2034, mais ce n'est pas un secret, c'est quand même une question d'argent. Ce sont des programmes longs, donc il est clair que je veux dire, ça ne va pas se faire demain, etc. Il faut, que, comme le dit Sylvie, il faut intégrer les données de LISA Pathfinder, et puis après, même une fois que LISA Pathfinder, même si c'est un grand succès, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est une mission ambitieuse. Maintenant, très franchement, la date de 2034, c'est purement parce que l'Agence spatiale européenne n'a pas l'argent pour... donc il faut étaler le projet, c'est la mission L3, il y a d'abord une mission L2 avant en 2028, et donc l'ESA n'a que de l'argent pour faire cette mission en 2034. Ce qui pose un souci quand même, c'est donc je dirais qu'il y a, de l'ordre de 3-4 ans qui sont simplement pour être sûr que l'argent arrive. Donc ça pose un problème parce que la mission... Il faut attendre 3-4 ans juste pour que l'argent commence à arriver. Il ne faut pas attendre 3-4 ans comme ça, c'est qu'on traîne pendant 3-4 ans de plus pour... parce qu'il faut que l'argent arrive. Bon, allez, vous me faites venir la NASA dans l'histoire, là. Alors, justement, donc elle a fini de payer son JWST à 8 milliards de dollars. C'est un coût quand même, c'est-à-dire qu'il y a une expertise qui va être, qui pour l'instant est accumulée avec LISA Pathfinder. Si on attend trop, il est clair que cette expertise se perd et que donc on redépense de l'argent à redécouvrir la Lune. Donc c'est un problème, je veux dire, je le pose, je n'ai pas la solution. Maintenant, je crois qu'il est tout à fait vrai que pour l'instant, l'Agence spatiale européenne a dit que la NASA c'est un projet à leadership européen, je crois que ça, à peu près tout le monde est d'accord, et que ça voulait dire que les contributions internationales n'étaient pas plus de 20%. Je crois qu'il est déjà clair, la NASA... Donc dans les projets L3 de l'ESA, les contributions venant de l'extérieur, de l'étranger, ne peuvent intervenir qu'à hauteur de 20%. Mais c'est l'ESA qui décide ça. Je suis à peu près persuadé que la NASA ne va pas se contenter de 20%. Ah. Ça a déjà été plus ou moins dit, et je pense que c'est ce qui va se passer. La question d'ailleurs est de savoir si la NASA ne va pas se dire, après tout, je n'attends pas 2034, je fais la mission moi-même. Ah oui, d'accord. Il s'agit quand même de, vous l'avez vu, si vous avez vu là, il s'agit d'un domaine extrêmement important. Donc je crois que c'est simplement ces choses-là qui vont se discuter dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Quel est le poids des contributions internationales? Est-ce qu'il est limité à 20%? Est-ce que ça va plus loin? Quel est le poids de la NASA dans ce projet? Je pense que les choses sont relativement ouvertes. C'est un domaine qui s'ouvre et je crois que la NASA a très bien compris. Il n'y a pas très longtemps, on avait ici à Paris une réunion du consortium européen et des gens haut placés dans la NASA, comme par hasard, sont arrivés pour nous expliquer qu'ils mettraient peut-être plus d'argent que ce qu'on voulait bien leur laisser mettre. Donc je pense que c'est des négociations internationales, ça, qui nous dépassent. Mais... Donc c'est pour ça que c'est difficile. Je crois que techniquement, de toute façon, la mission, c'est difficile qu'elle ait lieu avant la fin des années 2020, c'est-à-dire, disons, 2030. Mais entre 2030 et 2034, il y a 4 ans quand même. Ce qui est bien avec les scientifiques, c'est qu'ils ont beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est toujours agréable de travailler avec eux. Je pense qu'effectivement, il va se passer des choses. Ça. Je pense que la NASA et l'ESA sont en relation permanente, donc il va y avoir des discussions. Mais on ne peut pas préjuger du résultat dans la mesure où l'ESA fait un programme avec une succession de missions. Et donc l'ESA a choisi deux thèmes, en fait, au lieu de choisir d'abord les missions, elle a choisi deux thèmes. L'un qui est l'univers énergétique, donc le domaine des rayons X, rayons gamma, donc des ondes électromagnétiques. Et puis le thème L3 qui est l'univers gravitationnel, donc tout ce dont on vient de parler. Et ça supposerait à ce moment-là que l'ESA permute les deux missions, donc... c'est pas à moi de dire ce qui va se passer là. Je dis simplement qu'il existe un certain nombre de contraintes et qu'elles ne seront pas forcément aussi évidentes à résoudre. Alors, vous avez tous compris qu'il y a quelques mois, avec Marie-Claude Siron, on a eu le nez creux, Marie-Claude, quand on s'est dit, oulala, les ondes gravitationnelles, c'est en train de monter, à mon avis, là, vers le mois de février, il va se passer quelque chose. Non, la vérité, c'est qu'on s'était calé plutôt sur le lancement de LISA Pathfinder qui avait lieu en décembre pour se dire, on va faire quelque chose sur les ondes gravitationnelles. Écoutez, voilà, on est tous évidemment ravis que cette découverte, cette première détection directe ait eu lieu. Effectivement, on a accès aux aux événements les plus énergétiques de l'univers, aux fusions de trous noirs. Un jour, peut-être grâce à ces ondes gravitationnelles, on pourra voir d'une certaine manière le Big Bang, des événements qui sont produits 10 puissance moins 34 secondes après le Big Bang. Voilà, effectivement, c'est des programmes et des idées tout à fait fantastiques auxquelles vous nous avez permis d'accéder. Merci infiniment, Sylvie Léon. Merci beaucoup, Pierre Binetruy. On espère que l'ISA Pathfinder va encore continuer sur cette belle route et va être un plein succès. On va voir ça dans 6 mois. Et puis que l'ISA va se faire avec l'Agence spatiale européenne en leadership. Et puis si on peut embarquer la NASA avec nous, on leur fera une petite place. Merci infiniment, Sylvie Léon. Merci beaucoup, Pierre Binetruy. Merci à vous tous. Bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.